Là. Fait que l'enregistrement est parti. Tout le monde, est-ce que vous avez mis vos cellulaires et appareils oui, électroniques ça, sur la vibration? Non. Oui. Et je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que ma femme elle pourrait accoucher là. Ouais, Milter, ok, toi t'as une passe droite cette semaine. Je voulais en parler dans mes actualités de raison. T'as tout scrappé mes actualités, c'était juste ça que je voulais dire. Donc, mardi le 21 juin, il est présentement 19h40, on est à Laval, on est radieux ce soir, mais on est surtout le Geek Collectif, le podcast, une balado-diffusion franco-québécoise canadienne sur la culture populaire, accompagné ce soir de Guillaume Hamel. Oui, c'est moi ça. Salut Guillaume. Allô, allô. Accompagné également d'Éric Hébert. Allô André. Asti que t'as une voix mielleuse. Ah, je suis content de te voir moi aussi. Moi aussi, je suis tellement mielleuse que j'ai beurré sur mes toasts le matin. La voix d'Éric? Ben oui. Ah oui? Ouais? OK. OK. Accompagné de Milter? Oui. Ça va? Oui. Toi, t'as-tu une anecdote de déjeuner ou? Non. Merci. Je déjeune pas. Hey, puis accompagné, là je trippe parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait quelque chose ensemble, puis on est accompagné de Jérémy Larouche. Salut! Jay, welcome back! Yes! C'était fun! J'aimais ça la première fois. Ben, on avait aimé ça pas mal, nous autres, avec. Fait cool. Que tu nous as fait une belle surprise en nous proposant de venir participer à l'émission. Hey, oui. Le show 36, on est rendu à 77. Oh! Si on s'est pas fait canceller encore. Non! Exactement. CRTC n'a toujours pas intervenu. Et pourtant, depuis que je suis parti, j'ai tellement travaillé pour que ça ferme cette affaire-là. C'est CRTC est rendu à la page 24 dans iTunes Podcast. On doit être rendu à 72. C'est ça. T'sais, ils ont arrêté avec bien d'autres exemples de podcasts qui auraient pu... Non, finalement, je veux pas embarquer dans cette game-là. Méchant moi. Donc, Jay? Oui! Ça fait quoi? Ça fait un an? Je pense que ça fait quasiment 2 ans. Quasiment deux ans. C'est pas 15. 15? Ouais, ouais. Probablement 15, j'imagine. Ouais. En année de chien. Ouais. Mais là, en année de chien, effectivement. 15 usés par ça. Qu'est-ce qui se passe de bon avec toi, là? Hey, il se passe plein d'affaires de cool. Zoufest cet été, ben des shows pendant le festival juste pour rire. Des tournages, des affaires que j'ai même pas le droit d'en parler en ce moment parce que c'est comme des secrets. J'aime ça. Des affaires, des projets sur lesquels tu travailles, tu fais « je peux pas en parler avant la conférence de presse ». Je trouve ça sonne comme cool, ça. Ouais. Puis on est habitué en plus parce qu'on vient de finir le 3, fait que là on est habitué de se faire dire genre « non, on annonce pas ça aujourd'hui ». Fait que tu sais, c'est comme tu viens de confirmer que ça existe, mais tu l'annonces pas aujourd'hui. Ah, puis là t'es comme mindfuck. Oui, c'est comme le fun ces affaires-là, ouais, c'est ça. Fait que cool. Jay, écoute, la même formule que à ton dernier passage, on va faire un petit tour de table ce matin, ce soir, peu importe, hein, je suis début solide. C'est un podcast, on écoute ça quand on veut. Ben ouais, oui. T'écoutes ça bol dans le char, dans le train, peu importe. Donc, on va faire un tour de table, on va faire notre actualité pendant que mon chat se lèche allègrement dans vos chaussures. Puis arrêtez, là, il va dire que c'est 5 pieds. Ouais, les fixes, le mur, d'une façon très... OK, go! Fait que, qu'est-ce qui s'est passé de bon avec vous autres, ces temps-ci, messieurs? Y a-t-il quelqu'un qui veut débuter, ou... Moi, je pourrais commencer. J'ai manqué la semaine passée. Vas-y, Eric. Plein de choses à dire, hein? Plein de choses. Eric, avec semi-cheveux. Ouais, c'est ça. J'ai demandé à mon Nabil, mon excellent barbier, habituellement. J'y faisais très chaud, puis j'ai dit numéro 1 tout à l'entour, puis j'ai pas réalisé c'était quoi ça voulait dire. De toute façon, c'est des choses qui arrivent. Mais ça te va bien, mec. Tu ressembles à soit Mike Ward ou un autre. Rian Moffat. Genre comme un mélange de Mike Ward puis John Candy. Oh fuck, ouais. Ouais. Le basic, ouais. Mais là, je t'aurais imaginé les deux faire l'amour, puis c'est vraiment étrange. C'est cool, hein? Ouh. Mais avoue, là. Armed and dangerous. J'avais de quoi ajouter par ça, puis tout d'un coup, c'est comme j'ai réalisé que la fille à Jérémy était là. Mais je me suis retenu. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir que, tu sais, c'est pas parce que tu travailles plus à Musique Plus que tu peux pas te trouver une nouvelle job, là. Il est barbier maintenant, c'est cool pour Nabil. Exactement. Ouais, des références de VJ, moi, ça me passe par-dessus la tête. C'est cool, lui, Nabil. Il aurait fallu que tu sortes un VJ de mode much music. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé de bon avec toi, mon Rick? Ben, je voulais dire, d'un, j'étais allé voir le film Warcraft. Tout le monde sait que je suis un gros fan. Lequel? Celle du Horde ou celle du... Ouais, malheureusement, ta promesse n'a pas suivi. T'as juste pas pogné cinéma qui met le deuxième film. C'est pas encore arrivé. Ouais, c'est peut-être ça. Peut-être un jour. Mais je suis allé voir avec ma femme, Julie, puis on est des fans de l'univers. Le film, avant d'y aller, moi, j'ai pas pu y aller pendant la fin de semaine qui est sortie à cause que Julie était sur appel. Elle était infirmière à l'Institut cardio, puis elle était sur appel cette fin de semaine-là. OK. Fait qu'on pouvait pas prendre la chance d'y aller, puis c'était promis qu'on y allait ensemble. Alors, j'ai dû attendre jusqu'à le mercredi. Fait que j'ai eu le temps d'avoir plein de mauvaises critiques, d'avoir les critiques de Rotten Tomatoes chier ça à 23%. Disons que mes attentes avaient été complètement démolies au niveau de la réception de plein de gens. Des Vraiment? Amis m'ont dit que c'était horrible. Oui, non. Vraiment? On est rendu à 29, ce qui est comme sur une pente ascendante. Ouais, mais j'ai des choses à dire sur ça, justement. Ça tombe bien, on est un podcast. C'est ça, parce que j'en ai des choses à dire. Mais le film de 1, je suis allé voir, j'ai vraiment aimé. Je veux dire, les problèmes que le film a, les a pour des raisons assez spécifiques. C'est une astuce d'histoire fucking grosse qu'ils ont essayé de shoehorn dans un film de 2h30. Comme dans Batman vs Superman. Ouais, mais ça, il n'y a pas d'excuse pour celle-là. Warcraft, ils ont l'excuse, c'est leur premier film. Ils ont 12 ans de matériel. C'est ça. Y a-tu un bout ou un orc qui regarde un humain puis il fait « Martha! » Non, puis avec le gros sable. À un moment donné, y a-tu quelqu'un qui arrête pas de gosser une chèvre, puis à un moment donné, fait comme elle explose. You, ou elle explose. Mais il y a un polymorph. Il y a quelqu'un qui se fait polymorph, ce qui est une référence de Warcraft, naturellement, où que le mage, il polymorph le work, monde. Work, il n'y a pas eu de work. Les orcs sont hallucinants. Le visuel, il est incroyable. Il set un monde qui est déjà très bien. Très, très, très bien. Je trouve que la manière que tu vois toutes les places iconiques, que ce soit Deadwind Pass, avant que ça se fait tout détruire, Stormwind, tu vois Azeroth, vraiment un très bon, très bel... Azeroth, c'était super cool avant que l'opération Carcajou arrive, parce que quand ils ont ramassé les bikers dans ce coin-là, là, c'était... Rendu plate. Tu avais des... C'est où ça, Azeroth? C'est une ville? C'est entre l'Assomption puis la Valtrie, ça? Aucune non, idée. Ça, c'est Joliette. Ah, j'étais là. On salue les jeunes Joliette ce soir. Segoué. Mais de toute façon, le film, j'ai vraiment aimé ça. Le monde que je connais qui aime Warcraft ont tous aimé ça. D'après ce que j'ai pu bien comprendre, le film il est juste visuellement incroyable. Il y a des problèmes de pacing dans l'histoire un peu weird. Mais en même temps, t'es tellement distrait par toutes les choses cool qui se passent, pour les personnages de l'univers que tu vois alentour qui est très bien. Après ça, je me suis amusé à lire les critiques un peu juste pour voir. Puis j'ai juste venu à la conclusion qu'ils ont essayé de faire. Il y a des films. Je vais te donner un exemple. Super Mario Bros. Tout le monde a vu ce film-là. Oh mon c'était Dieu! C'était excellent dans sa médiocrité. Tellement pourri. Ouais. C'est ça. Mais eux, puis Miyamoto le dit d'une manière très bien. Eux, ils ont essayé trop de faire quelque chose qui était différent de. Comme ils ont essayé de faire de quoi qui était Mario, mais comme qui avait juste l'âme un peu de Mario, les noms. Mais l'univers, c'était aucunement inspiré par ça. Comme, tu sais, il y avait que ça soit Yoshi, que ça soit toute la map. Mais ça a quand même mis John Leguizamo sur la map. Ok, fait que c'est à cause de ce fucking film-là qu'on c'est où qu'on tu l'as vu avant? The Pest? Non, c'était après The Pest. Ça, c'était avant The Pest, ça. Puis je te modifie de dire le mot John Leguizamo trois fois en ligne bien vite. John Leguizamo. Démarre! Oh, tu vois, hein? Il y a un curse, c'est impossible. Knew it. Mais impossible. Justement, je lisais les critiques, puis le monde, ils ont vraiment détruit ça pour les mauvaises raisons. Puis le film, il est trop honnête à le matériel source. Fait qu'il est très... Si tu connais l'univers, tout fait du sens. Si tu connais moindrement pas l'univers, tu te sens un peu perdu. Les trous que tu te crées à cause que tu connais pas l'univers deviennent des gros trous dans l'histoire pis t'es complètement perdu. Mais à cause que moi, je connais l'univers très, très, très bien, ben, j'ai tout aimé ça. J'ai hâte au prochain. Je suis pas mal sûr qu'ils vont en faire un deuxième. Le film, il fait une fureur outre-mer. En Chine, il bat les records en ce moment pour l'année 2016. Ouais, ben, c'est ça. C'est comme mondialement, ça va être un énorme film. Mais tout mais les critiques. En Chine. Hein? Tout pogne en Chine. Non, c'est pas vrai. Wow. Non, mais en fait, tu sais, oui, les Japonais pognent pas en Chine. Ouais, non, mais pour se mettre en contexte, ce qui est intéressant, c'est que Doom est coté combien sur Rotten Tomatoes? Je sais pas, je serais curieux de savoir. Il est rendu à combien? Je pense que t'avais dit 29 tout à l'heure, qui était rendu, Guillaume? Tu parles de Warcraft? Warcraft, oui. Ouais? Okay. Excuse, Doom est coté 19 sur Rotten Tomatoes. Fait que tu sais, la version film de Doom à 19, Warcraft à 29, tu sais, ça a clairement le même production value. Oui, mais la value, différence, là. Si tu regardes les users... Les viewers score, ouais. On parle de 82 dans Warcraft versus 34 pour c'est Doom. Ça comme mais non, mais non, c'est pas 34 à 12. Mais justement, là, ça c'est le contraste que je voulais parler de parce que tu regardes ça puis quand je commence à être tanné du j'aime pas une forme de critique qu'il peut avoir pour des films spécifiquement qui met zéro en contexte pour qui que le film est, on dirait, ou c'est trop critiqué. Du point de vue, je sais même pas comment l'expliquer, le monde qui, comme je disais, les critiques là, pis les reproches qu'ils ont sur le film, c'est comme là, Chris, le film était clairement pas pour toi, là, pourquoi t'es en train d'en parler? C'est comme ben là, c'est comme un film d'auteur où est-ce qu'il faudrait avoir un minimum de connaissances générales parce qu'il y a des références, justement, mettons, à Kundera ou des références à des œuvres, puis comme quand t'es pas, tu comprends peut-être pas le sens des films, mais est-ce qu'on les trash de la même façon ou on fait ah, c'est du film d'auteur puis on fait comme si on comprenait ben, ou Hot Tub Time Machine, que le monde chialait que ça manquait de sérieux, tu sais. Dude, ouais. Casting direct en partant. Le titre s'appelle Hot Tub Time Machine. Parce que dans le fond, le film Warcraft, faut pas voir ça comme étant un film d'art ou un film de, tu sais, visuellement, de absolument. Cinématographique. Cinématographique aussi, oui. Non, mais au niveau du storyline, non. Ça, storyline, non. Non, mais ça, c'est ça, mais un œuvre complète de cinéma, c'est quand tout est parfait, façon de parler. Mais on s'entend que c'est un divertissement excellent, puis ça a un public cible. C'est un fan service ultime, puis c'est du vrai fan service. J'ai jamais joué à World of Warcraft. J'ai joué à Warcraft 3 dans le temps. Moi, j'étais un gars de Guild Wars. Et tu vois, Warcraft 3, ça suit le film. Mais quand j'ai écouté le film, j'ai été diverti parce que je le savais. Je me suis dit, je m'attends pas à avoir une histoire ultra bien ficelée parce que je m'attends à ce qu'ils prennent des raccourcis parce que c'est ça. Mais c'est un ça, film de pop culture. Parce que même dans étant un gros féru de bande dessinée, que ce soit du DC ou du Marvel, je vais pas commencer à chialer parce que Civil War, ils ont pas suivi l'histoire, ils l'ont adapté, ils ont pris des raccourcis éditoriaux qui valaient la peine. Puis après ça, le reste du mérite cinématographique, ben ça, je laisse des experts là-dedans juger. Mais moi, mon, tu sais, c'est faut juste séparer la qualité technique globale de l'aspect divertissement. Moi? Puis ça, on le voit dans Rotten Tomatoes parce que le critique score, tu te dis, ben, c'est l'aspect technique, l'aspect qualité cinématographique globale. Puis l'aspect audience, c'est des gens tribeux. Mais qui le film sur Rotten Tomatoes, la grande majorité des critiques reproche pas la technique. La technique CGI, tout ça est bien faite. C'est oui, ça. Les orques là-dedans sont, c'est peut-être, c'est absolument incroyable. Je serais même pas surpris si ça gagne un Oscar pour ça, minimum nomination. Attends, on vient-tu de dire Warcraft gagne un Oscar? Absolument. Moi, je pense que si Avatar en a gagné plein, je veux dire. Ah, oh, ouais. Bon, on parle au niveau des effets spéciaux, là. Les orques. C'était pas quand on tasse avec des bébites bleues, là. On s'entend, là, Avatar, là. C'était pourri, ben, carrément. Mais les orques sont vraiment, vraiment, vraiment bien faits. Ils dansent avec des loups. Ouais, genre, mais tous ces films-là. Fern Gully. Oh. Et on trouve on cancelle tout le show à soir, puis on trouve la pire référence. La pire référence qu'Avatar peut être. Mais pour revenir à Warcraft, puis boucler ça un peu, là, moi j'ai une question pour toi, parce que si je me souviens bien, Jérémy nous avait dit que c'était un grand fan de musique de jeux vidéo. Oui. Il nous parlait justement des musiques de RPG, des affaires la même. Warcraft est un RPG. Moi, je sais que quand je joue à World of Warcraft, la musique. C'est un RTS. World of Warcraft, c'est un RPG. Ok. Excuse-moi les sémantiques. Mais, moi, la musique m'avait quand même charmé dans World of Warcraft. C'était cool. Ça faisait une bonne immersion. La musique est incroyable. Dans le film, est-ce qu'on retrouve un peu le même travail dans la trame musicale? Absolument. Non, c'est la musique. Comme je t'ai dit, visuel, musique, effets spéciaux. Setting de l'univers, setting de Azeroth, le placement des affaires pour que l'histoire continue sont toutes parfaitement. Guillaume, il a vu le film, là. Il y a des twists dans l'histoire qui sont crissement intéressants quand même. La fin, je trouve que c'est intéressant qu'est-ce que ça forme pour les films à venir. Tu vois déjà un peu comment est-ce que le conflit va se dérouler. Puis ça, j'ai bien aimé ça, puis j'ai tout aimé, puis ma femme qui est une grande fan de Warcraft comme moi, elle a adoré, moi j'ai adoré, j'ai hâte de le revoir, il y a plein de clins d'œil écœurants. Donner une idée, une des premières affaires qui se passe dans le film, c'est à Stormwind, puis Stormwind, c'est absolument écœurant comment est-ce qu'ils l'ont reproduit. Mais la première place qu'il y a, c'est Goldshire. Puis la première place que t'es dedans, c'est dans la taverne de fucking Goldshire. La même taverne que je vous ai déjà expliqué que tu peux aller voir du monde qui baise virtuellement. Puis des choses comme Pardon? Ça. Ah oh, ouais, c'est fucking Goldshire. Est-ce que pour les fans de. Tu sais, parce qu'ultimement, c'est ça. Est-ce que pour les fans, ils sont super heureux de ce film-là? Ils n'ont pas Absolument. L'impression que ça te fait massacrer leur non. truc qu'ils aimaient? Non, parce que ça respecte tellement le lore. Il y a comme juste des petits ajustements qui ont été faits pour accommoder peut-être l'histoire d'une manière, ouais. qui ont décidé de la former. Mais le lore, l'univers, les personnages, c'est tout respecté à 100%. Puis l'histoire qui est récréée dans ce film-là, c'est la même histoire que tu vois dans le premier jeu qui est Orcs vs. Humans. C'est okay. à peu près, t'appelles ça la première guerre dans, ouais. dans l'univers de Warcraft. Puis Chris, ça représente c'te, l'aspect bien. C'est pas compliqué, là, c'te, l'histoire de Warcraft. Là. T'es dans Azeroth, c'est un monde fantastique en paix depuis des centaines d'années. Fait que ça, j'aime ça. Déjà là, c'est, t'sais, c'est comme t'as c'est les royaumes, c'est tout en paix. Tous les peuples de ce monde-là sont unis et heureux et tout fonctionne bien. Puis Chris, il y a un portail qui s'ouvre à d'un autre univers qu'on sait pas c'est quoi. Puis t'as des orques méchants qui commencent à passer à travers. Puis eux autres sont même pas tous méchants, les orques. Il y en a qui sont méchants, il y en a qui le sont pas. Puis ils veulent construire des condos. Puis ils veulent construire des condos parce que là, la guerre, la guerre pogne. Parce que leur ville et leur monde est complètement déchiré. Mais c'était ça, dans, comme le Orc Invasion, je trouve que c'est toujours original comme histoire. J'ai toujours aimé ça quand j'étais jeune. Puis ça respecte ça. Très bien. Là. C'est cool. Comme il y a le moment là, où t'es à Stormwind, puis t'as le roi Lane qui est là, puis le monde, ça, comme on vient, comme une de nos caravanes s'est faite complètement démolir par on sait pas trop quoi, là, comme ils se sont fait tout saccager, puis il y a des villes qui brûlent partout, puis on ne sait pas pourquoi. Puis ça set l'univers qu'on connaît tout, puis c'est. Est-ce qu'on va le voir? Gagnant. Oui, ben oui. Si t'aimes Warcraft, tu vas le voir si après. Si t'es un fan de Warcraft, tu vas le voir. Si t'aimes les films fantastiques. Si tu fais des grandeurs nature, est-ce que tu vas le voir? Absolument. Si t'as un balai pogné dans le cul pis t'es pas capable de l'enlever. Là, tu devrais aller à l'urgence, en fait. En premier, tu vas la misère à rester assis dans le cinéma pis quelqu'un te boute dans un cinéma dans le milieu. Généralement, les gens te crient après pis te disent de décoller. Surtout que les blancs basculent maintenant au cinéma pis c'est pas super confortable. Fait qu'imagine avec un balai. Si t'as un balai dans le cul, va pas le voir en AVX, tu vas vraiment mal. L'important, c'est que quand tu vas le voir, tu ressortes pas de là avec le même feeling qu'à quand tu étais un fan de Street Fighter 2 puis que tu es allé voir le film de Street Fighter. Moi, j'ai aimé Street Fighter, le film. Mais il y avait absolument rien qui se tenait de moi. Il faut dire que d'un autre côté, j'ai dit que j'aimais Mario Bros, j'aime Street Fighter et l'école de ski sans voir Double Dragon. Ma crédibilité, le film de Double Dragon, Double Dragon avec Abobo, man. Oui. Mauvais, ça. Non, c'était bon. Ah, okay. Ben, c'était bon. André, j'ai hâte de voir le film de Sonic. Je veux voir un film de Sonic. Un film de Sonic, ça serait malade. Il y a un excellent film de Sonic. Mais un vrai, début, tu sais, en real. En peau, là. Avec des gens en peau, là. Un petit hérisson. Faudrait que ça soit le Sonic dessiné à main. Dans non, non, mais attends, ils vont le moderniser. En réalité, Sonic, c'est juste un ancien coureur de triathlon qui déchu, qui est rendu furry, puis qui se tient dans les conventions. Qui aime les Onion Rings, tu sais, ça c'est comme mon scénario de Sonic 2016. On kickstart ça. Fait que oui, ça serait déchu. Allez ça. Le voir, ça vaut complètement la peine si t'es un fan de Warcraft, c'est super bien fait, ça respecte énormément le source material, puis c'est ça, c'est bien. Puis je me suis pogné un S7 Edge, je vais juste te dire, c'est un esti de bon téléphone. Je vais finalement avoir du vrai VR, je suis fucking content. Merci Eric. Merci Eric. Ben, fait plaisir. Melter. Bienvenue, Jérémy. Moi, je vais faire, check bien ça. Vous avez mentionné Joliette tantôt. Segway. Hein? J'étais allé à Joliette aujourd'hui. Mais, où est-ce que, gars, c'est un set, je suis occupé. J'ai pas le temps de faire rien de super geek. J'écoute Silicon Valley saison 3. Je suis rendu à moitié. Ouais. Ben, fini à la fin du mois, je pense. Consider the turtle. Et c'est super bon comme d'habitude, là, mais tu sais, j'ai pas le temps de jouer à rien, j'ai pas le temps de lire à rien, j'ai commencé Just Cause 3 à petits bouts par-ci par-là, tu sais, pis tout. Et la raison, c'est parce que ma femme est sur le bord d'accoucher, pis je m'occupe de, tu sais, je prends du temps. C'est un garçon maison. Ou une fille? Un autre garçon. Encore? Un quatrième garçon. Il va s'appeler comment? Je le sais pas encore. Okay. Magnus. Non, Magnus était un nom proposé. Logan. Steve, pour qui Steve? Ben, moi, je dis que c'est Captain America. Steve Rogers? Mais ça n'a pas rapport. T'as vraiment dit c'est Steve Jobs? Non. C'était pas là quand Steve ça s'est celui-là, c'est Steve pas Weiser, techniquement, c'est pas le mien, même si c'est moi qui l'élève depuis 4 ans, genre. OK. Mais ça a rapport on avec a faire son des père aussi. Pis tout, je sais ah, pas. Ah, OK. On a essayé de faire des concours. On le sait pas. J'ai plein de noms. Attends, on fait un brainstorm sur les noms? OK. Moi, je suis curieux. Il faut qu'il passe par ma Boba Fett, ça serait malade. Moi, je serais peut-être Boba Fett, là. Milter, ça fit, je trouve. Moi, j'avais Aiden, j'avais Blake. Aiden Chronicles? Aiden Pierce. Non, Aiden Pierce de Watch Dogs. Ouais. J'avais Blake pour je me souviens même plus quoi. Toe Blake. J'avoue. Hein. J'avais Drake, pas pour le rapper. Ah, mais là, il va vivre la même chose. C'est ça que je me dis après. Jarvis? Jarvis, ça serait peut-être fucking nice. Ça va proposer à ma blonde. Jarvis, c'est pas l'être, là. Ma blonde, Jarvis, c'est ça, qu'elle avait... ça fait distinguer, je trouve. Ouais. Ma femme avait proposé Spencer. Pour puis... Bud Spencer, les films de Cowboy? Non, je sais pas pourquoi, mais moi, c'est le premier nom qui me venait en tête. La première raison pourquoi, fait que, on le sait pas encore. Ah, mais ouais. Trent a été nommé quand il est né. On n'avait pas de nom. Ah, ouais. On espérait que c'était une fille. C'est pour ça qu'on y met toujours des robes, des affaires de même. Mais... hey, attends un peu. Moi, je n'ai un nom. Il a le droit d'être queer. OK? Non, mais je veux pas qu'il soit c'est queer. À mode cette semaine. Je veux pas qu'il soit straight, queer, peu importe. Là, on m'embarque pas là-dedans. Mais moi, je te propose le nom Frank Drebin. Oh. Frank Drebin Milter. Frank Drebin. C'est dans quoi ça, donc? Naked Gun, la brigade spéciale. Oui, c'est Frank. Frank Drebin, brigade spéciale. Mais faut que ça passe par ma femme. C'est pas moi qui ai le dernier mot, là. Mais ouais. Là, moi, je pensais que c'était chacun notre tour, tu sais. On en nomme un comme on veut. Ouais. L'autre, c'est y a pas le mot à dire. C'est dans quoi, déjà, ça, c'est Boulba? Star Wars. C'est l'espèce d'extraterrestre qui conduit avec ses pieds. J'ai un blanc de mémoire. Je savais le nom de l'ethnie, là, qui est l'ethnie. C'est Boulba, man. J'en ai déjà su, mais. Mais en tout cas, la raison pourquoi que je dis ça, c'est parce que je ferme pas mon cellulaire. OK. Fait que si mon cellulaire sonne ou qu'il y a une notification, ça se peut que ce soit ma femme qui me dit « Viens-t'en, j'accouche. » Faut que j'aille la chercher, puis que... Puis l'auditoire va ils vont vivre ça live. Mais ce qu'on t'a pas dit, Milter, c'est que j'ai préparé l'accouchement des batteries, et si ta femme accouche... On amène Jérémy pis sa fille dans le truck, on part pis on live stream ton avec non, une GoPro. Avec une GoPro sur Facebook Live, l'accouchement de la femme de Milter. Puis on fait un concours Facebook Live pour checker nommer le bébé. Nom, c'est ça? Ça serait que. Hey, on serait Devin Large, la naissance, pis tu peux le nommer comme tu veux. Hey, on dit de ça, mais y a pas Julie Snyder qui a fait ça? Pas, hein? C'est qui donc? Il n'y a pas une célébrité québécoise ouais, qui est comme ça? Il y a quelqu'un tu fais louer sur Canal Indigo son accouchement? Anne-Marie Lozic, je m'en souviens. Mais Chantal Toupin? Oh, je sais pas qui a fait ça. Pourquoi je voudrais voir ça? Je ne sais pas. Okay. Ah, je vous mets là-dessus, les gars. Sur Canal Vie? Guillaume est en train de faire des recherches. Mais là, Guillaume, tu parlais de Joliette, toi. Oui, tout ça pour dire que j'ai pas eu le temps de faire grand-chose de geek puis de coach occupé puis tout. Fait que, au début, mon concept pour mes actualités, c'est que je voulais prendre la toune de Mike Posner, là. Took a pill in Ibiza. Ouais. Puis je voulais la traduire en français, vous la lire. J'ai pris une pilule à Ibiza pour montrer au DJ que j'étais cool. Quand le buzz, c'était quoi? Quand le buzz a débarqué, je filais 10 ans plus vieux, mais maudit que ça valait la peine. Non. En tout cas, je l'avais tout. Ça, c'est ton actualité. C'était mon actualité. Pour nous ce soir. Je vais la garder pour une autre fois. Mais c'est le fun parce de faire que, ça. Ben, c'est tellement, là, que des fois, tu te rends compte que, wow, ça pogne pour à rien, la musique. Blâme-le sur la nuit. Non, blâme-le sur moi. Non, ouais. Blâme-le sur moi. Mais et... c'est weird à faire. Le pire, c'est que moi, ça me fait tant capoter parce que les jeunes écoutent ça, mais ils comprennent pas les paroles à la limite. Ben, imagine les enfants, les petites filles américaines qui, eux autres, comprennent les paroles puis qui chantent ça. C'est pas pour rien que le monde, y a des attentats terroristes aux États-Unis. C'est pas pour rien que Demi Lovato, elle veut flasher son Twitter puis son Instagram ben pour oui. se concentrer sur Snapchat. Mais, étonnamment, je dis ça de même. Moi, j'avais parti avec des chums, un band, un cover band qui s'appelait Les Bon Jovi. Puis, on faisait des tunes de Bon Jovi en français. Puis, ça fit tout. Milter Joliette. Tout fit, c'est fou. Mais, essayez ça dans votre tête. Suivez le beat, chantez du Bon Jovi, mais en français. Mais t'as mis chemin là, hey, je vis comme un cul, je vis sur une prière, sur une prière. Prends ma main, on va se rendre, je te le jure, ton amour c'est comme des mauvaises pilules, c'est ce qu'il me faut. Attends, je veux sur un cheval t'étonne. En fer, je ride, ouais. Non, ouais. Sur un cheval de métal, je chevauche, je suis recherché, mort ou vivant. Ça sonne bien, man. Je veux t'étendre sur un lit rempli de roses, pendant que moi, je dors sur un lit de clous. Ça fait tout. Je les ai toutes faites, là. Always, là. Toujours, je serai là. Puis je te regarderai. C'est seulement toujours. T'avais la voix pour bien faire. Ouais, c'est ça rajoute. Celle-là. Toujours, oui, je serai là, puis je te regarderai. Mais imagine, en anglais, comme il dit, le monde comprend. C'est comme, what the fuck? Puis ça pogne. Joliette, Joe. J'étais allé à Joliette aujourd'hui. J'étais allé voir un monsieur, il y a une genre de cinquantaine d'années, il m'a tripoté le sac. Puis après, attends, le sac, tu veux dire ton sac à dos? Oui, oui, oui, ben oui, c'est sûr. On va le droit rentrer. Mais c'est parce que là, il a fait ça, puis après, je suis rentré dans une clinique de vasectomie. OK. C'est ça, je trouvais louche. Attends, t'as fait ça live aujourd'hui? Le gars, il tripotait tantôt, puis après, je suis rentré. Je pensais que je rentrais dans la clinique avant de me faire tripoter par quelqu'un, puis... attends. Mais le gars, il m'a dit, non, c'est Joliette. C'est correct. Fait qu'en tout cas... T'es-tu allé à la clinique familiale de Joliette? Exactement, hey, attends, t'as c'est connaît... quoi le nom de ton médecin? Yvan Bernier. Ta gueule. On pas toi, avec... Je me suis fait vasectomiser par le docteur Bernier. Exactement, ouais, mais tu savais que c'est des frères. Oui. Spécialisés oui. en vasectomie. Les frères scrotum, moi. Les frères Bernier. Hey, merde, attends, attends. T'es-tu sérieux? Attends, oui, frère de vasectomie? Je suis pas coupé. Pas, OK, là, c'est il a fait pré-examen. Le pré-examen, il m'a dit... T'as 35 ans, là, ouais. Ta femme a quoi? 33, OK. T'as-tu des enfants? Je n'ai 4, là, OK. J'ai dit, tu veux-tu voir des vidéos de mes enfants? Une fois que tu vois ça, tu vas me il dire... Il voulait pas dire que t'étais jeune puis qu'il ben non, mais il était pas sûr. Mais là... Il m'a dit ça, j'avais 28 ans, là. Il était comme, tu vas être le plus jeune patient que j'aurais jamais fait, là. Il voulait pas au début, là. Mais moi, quand il a vu, OK, t'as 4 enfants, c'est décidé, j'ai dit le dernier, on le voulait même pas au début, c'était pas planifié. Il a fait, OK, c'est beau, t'es sûr, c'est pas irréversible. Fait que hey, je pense que c'est hey, le bonding le plus vrai, le plus sérieux, non attendu qu'on a eu avec un invité dans wow. le show à date. Hey, mais que t'es la cicatrice là, je pense qu'on va coller nos scrotums ensemble comme des colliers best friends. On retourne voir le docteur Bernier puis on dit pogne les deux, prends une photo. Ça serait spécial. On va avoir une fusion, on va voir un genre de grand Milton avec des cheveux fous puis une barbe. On donne ça à Noël à la famille. Oui. À tout le monde à la famille. Mais prenez des photos avec des cols roulés ensemble. Oh man. Ah bon, on devrait tellement partir une saison, une série, appeler ça les frères Scrot. Mais bon, quelqu'un en arrière qui t'a repris puis qui dit les frères Scott. Oui, mais c'est ça, mais c'est ça. Moi, je sais, même je sais. Même toi, on la chante en français. C'est très carré. C'est quoi dans la toune des frères Scott? Mais... J'ai jamais écouté ça. C'est quoi la toune des frères Scott? Ah, je sais pas. C'est quoi donc? Ah, ma fille, elle sait. La porte-parole du mini-fest, tu veux pas nous la chanter? Les frères Scott, ils font pas un podcast aussi. I don't wanna wait. Non, ça, c'est Dawson's Creek. Ah, fuck, excusez-moi, je connais pas mes frères Scott. I don't wanna be. Ah ouais, I don't wanna be nothing but ordinary ou quelque chose de la même, je pense. Ouais. On l'a refait en français. Tu sais, la toune que le monde faisait comme, le western. Fait qu'il veut juste. Le country, c'était à chier, puis il écoutait les frères Scott, puis il faisait. Je me souviens pas. C'est correct. Moi, j'ai jamais écouté ça. C'est ma blonde dans le temps qui écoutait ça. J'étais assis à côté pendant 22 mais heures. Mais mettons qu'on rappe le sujet. Mais, là. Tout ça pour dire, j'étais à la Joliette, puis j'ai été pré-approuvé pour ma vasectomie qui va se passer d'ici un mois, si je me trompe pas. Puis je veux juste dire, c'est weird de se faire tripoter par un petit monsieur d'une cinquantaine d'années. Il est délicat, par exemple. Il a des petits gants. Il a des petites mains douces. Il check ça, tout est bas, il check. Il dit, oh, j'ai de la place pour couper le canal. Il me dit, il dit, oh, bonne testicule. Il pointe l'autre, il dit, oh, elle est souple. J'étais comme, tu sais quoi, ça veut dire? C'est quoi, une testicule souple? Mais je savais pas, j'ai juste fait comme, oh, OK. J'étais là, je veux-tu rentrer dans le sujet? Milton, la question qui tue, ça a-tu bougé? De quoi ça a-tu bougé? T'as tué un Did it move? Non, à la référence à la Seinfeld. Non, non. Vraiment stressant, pas. Tu peux pas. Non. Tu peux pas. T'es tellement stressé. Il aurait fallu qu'il mette de la petite musique ou quelque chose. Y avait-tu du Wi-Fi? J'ai même pas checké. Y avait-tu Careless Whispers qui jouait quand t'es rentré dans le en loup. Hey, moi, sais-tu quoi? Ça serait ma job. Je ferais exprès créer des fucking malaises. Le monde est rentré, c'est Careless Whispers, genre, ou du Wham, tu sais. Mais moi, là, au moment où ça en allait pour me couper, là, juste avant qu'il coupe avec le scalpel, il y avait une petite radio, pis t'as une clinique familiale, il y a des renoirs à ses murs, là. C'est comme je suis le dentiste, oh, OK? Ouais. Et là, la radio, c'était Rouge FM, pis je te jure, là, juste avant qu'il me coupe, c'est Jerry Boulet qui chantait « Aïe! » Écoute, man, rire là, même l'infirmière qui va être avec toi, puis le docteur, on riait les trois, là, c'était comme impossible que ça arrive, genre. Depuis ce temps-là, t'es circoncis ou. Non, mais quand tu fais bien ça, prendre une photo comme les caries, mets-tu sur le mur, c'est le mur des scrotums. Ouais, puis là, toi, t'es sur le mur des scrotums, mais le Hall of Fame en plus. Que c'est le Hall of Shame rendu là. Alors vous voyez ici dans nos clients les plus fameux qu'on a eu, on a Jérémy Larouche. Je vois comment ça a bien cicatrisé. Je vais pas dire ça, je connais un gars de vasectomisé. Ah, il va peut-être te faire le family discount. Il va peut-être avoir un deal. Oh, mais oui, t'essaieras. Il va me faire ça, ça. Hey Guillaume, au lieu de 180. Rappe-moi ça ton actualité, mais mon c'était homme. C'était ça, go mon Guillaume. Mon actualité Guillaume. Ou leur actualité? Parce que j'ai réussi à j'ai trouvé deux. Quelques informations suite au début du sujet. J'ai pas trouvé la vedette québécoise qui a voulu accoucher sur du pay-per-view, mais dans mes recherches, j'ai trouvé Erika Badu qui a live-tweeté son accouchement du bébé qui s'est appelé Tweety Milk. Et j'ai trouvé une fille qui a accouché live sur Google Street View. Comment? J'ai vu aussi une fille qui a accouché live sur Google Street View. Wow. Donc, on n'est pas très, locker, on rank pas fort dans Google pour les mots-clés de accoucher en direct sur Internet. Fait qu'il y a encore de la place, le monde qui veut explorer le web. Là. Ouais, Mathieu mais... Bonin, on te lance ça de même, un accouchement live. Fait juste assurer que ton SEO game est fort. Parce fait que ça sur Periscope à l'hôpital. SEO game strong. Ma blonde va capoter. Ouais, mais parlons de plus de trucs geeks que d'accouchement. Ben, c'est ça. C'est geek, je veux pas te donner des idées à Eric ou à André, tu sais, des fois, là. Hein? N'importe quoi. Moi, je peux même pas en avoir. Merci de me rappeler. Comme la barbe, je sais. Pourquoi? Quoi. Parce que tu fais pas l'amour? Attends un peu. C'est là que je mets la toune de MLG, là. Ouais. Bon, Guillaume, récupère ton malaise. Moi, j'ai lu Superman Redson. Merci, Guillaume. Écrit par Mark Miller. C'est une mini-série qui a été publiée dans le début des années 2000, 2003 ouais, c'est pour être exact. Celle-là, hein? Oui, j'ai comme une liste de lectures de paperback que je suis en train de rattraper. Et j'étais rendu à celui-là. J'ai entendu des bonnes choses. Puis, honnêtement, j'avais besoin de me faire remonter le moral un peu au niveau des bandes dessinées parce que tout ce que j'avais lu récemment suivait un, c'était des lectures plus récentes, suivait un trend à part Saga, très à la mode dans les majors, où c'est que plus c'est fucked up, plus c'est compliqué, plus ils se gargarisent de ça, puis plus ils aiment ça. Gargariser de quelque chose de compliqué et fucked up? J'ai en mémoire Civil War 2, ou le Civil War qu'on a eu l'année passée, okay. Où c'est que c'est trop leur demander de faire une histoire simple que quelqu'un peut, tu sais, qui n'est pas abonné genre à 40 millions de numéros à la fois peut suivre. OK. Puis il y a aussi, j'ai lu une nouvelle série dans Valiant qui est Divinity, qui est aussi, tu sais, pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué, mais j'ai toujours trouvé genre mindfucker ton lectorat en même temps. Puis je trouvais que c'était un trend qu'il y avait de plus en plus dans les BD récentes. Puis là, ça m'a fait du bien de lire ça. En gros, c'est un what if. What if Clark Kent, Kal-El, atterrit en Russie, de l'Union soviétique, au lieu d'atterrir en plein milieu du Midwest américain. Puis, ça part de cette prémisse-là, où ce que justement... Il devient camarade de Superman? Ben, il devient buddy-buddy avec Staline. Et Dieu sait qu'il y a juste des bonnes choses qui peuvent ressortir de ça. Ah, mais cœur, hein, honnêtement, la série, communiste. Mark Miller, et ceux qui le connaissent pas, il a participé à beaucoup de Ultimate X-Men, Ultimate Spider-Man. Il a travaillé dans plusieurs gros titres de Marvel. Il a travaillé aussi dans Swamp Thing chez DC. C'est un gars qui est quand même très reconnu. Des fois un peu critiqué parce qu'il ose des choses, mais il a excessivement bien saisi les possibilités qui s'offraient à lui par rapport à ça. Puis ça rentre pas dans la facilité de dire les soviets sont méchants, les américains sont bons, ou à la limite si tu veux jouer le facile, les soviets sont gentils puis les américains sont méchants. Non, vraiment t'sais, pas. Il va surfer là-dessus, il va jouer un peu, mais il y a beaucoup de dualité, t'sais, c'est des nuances de gris, c'est pas du black and white, puis c'est vraiment le fun là-dessus. Puis c'est le fun parce que c'est une mini-série, c'est que t'sais, t'as pas besoin, puis c'est un vase clos parce que c'est un univers alterne qui existe pas. Quoique les férus de bande dessinée vont vous dire que oui, dans Convergence, les nouvelles séries de bande dessinée de DC. C'est quoi Convergence? C'est une nouvelle série. C'est comme les New 52, mais. Ouais, il y a eu New 52. Il y a eu Convergence. Reboot. Là, il y a Rebirth qui est le reboot. Divergence? Oui. Le contraire. Ah, OK. Mais dans les convergences, c'était un peu comme le Spider-Verse, mais chez DC, où ce que t'as comme... le Spider-Verse? C'est toutes les Spider-Man. Les Spider-Man qui ont existé dans l'univers se sont comme ramassés dans une mini-série de Spider-Man. Pis... Ah, il y a un jeu de ça aussi. Ça se peut. Mais là, t'avais le Spider-Pig, puis t'avais le Spider-Noir, il y avait qui est un Spider-Man genre noir. C'était pas Binox qui a fait ce jeu-là? Détective privé aussi? Noir. Là. Ouais, mais pas dans le sens noir. Non, noir, film noir. Des ouais, noir, noir, noir, exactement. Ça. Exact. Mais en tout cas, c'est pas Miles Morales. Non, non, exact. Okay. Donc, c'est ça. Red Son est revenu dans Convergence. On allait dire d'autres choses, mais. Mais, tu peux le lire, tu l'écoutes, tu lis, puis une fois que t'as fini, c'est fini. Tu sais, t'as pas eu besoin de lire 14 autres titres, puis c'est clair. C'est le fun, c'est divertissant. Pis c'est le fun de sortir des sentiers battus, de dire, OK, tu sais, puis Superman, il y a beaucoup de monde qui disent que c'est pas toujours intéressant parce qu'il est trop patriotique, il est trop parfait, il est trop, tu sais, il y a de la droiture, puis à un moment donné, comme il devient boring, mais là-dedans, c'est vraiment le fun. On voit, il revisite Batman, Brainiac, ah, oui. Lex Luthor. Lex Luthor, en fait, ce qui est drôle, c'est pas un gros spoiler, mais Lex Luthor règle plein de problèmes, genre il élimine le cancer, il élimine le sida, l'espérance de vie est rendue à 400 ans à cause de, il est rendu genre il lit 14 livres par c'est jour. C'est une bonne affaire ça par exemple. Ben peut-être, faut avoir lire le livre pour ça, mais tu sais c'est le gars il est comme over powerful niveau cerveau là, il joue comme 4 games d'échecs, il lit 13 livres puis il y a 3 conversations puis il devient président des États-Unis. Tu sais il y a comme plein d'affaires qui se passent. Pourquoi faut tout le temps qu'il devienne président des États-Unis? Ben c'est comme, l'ultime. C'est ça qui est le fun dans cette série là, c'est qu'il va chercher plein de pattern. Il y a Brainiac, tu sais, qui. Puis, tu sais, si vous connaissez un peu les personnages, que ce soit Batman, tu sais, vous allez voir qu'il va chercher le trait caractéristique du personnage, mais il l'applique à une sauce vraiment différente. Puis, moi, je pense que n'importe qui est un. Qui aime lire des bandes dessinées, qui n'a pas besoin d'être un gros fan. Tu sais, il y en a des fois qui achètent Killing Joke, qui achètent. Dark Knight Returns. Il achète ça une fois de temps en temps, là, mais ça, c'est un livre parfait pour un fan de BD. Mais Jay, c'est ça, tu l'as lu, moi, j'ai adoré ça. Parce que, justement, tu sais, c'est... Et si, si Superman est arrivé un demi-tour de planète plus tard, tu sais, ou plus tôt, fait qu'il tombe carrément... Tu sais, parce que, bon, Superman arrive dans le Golden Age américain, là où est-ce qu'on est en pleine guerre froide. American Dream. Exactement, et il incarne la perfection, la droiture, la justice et l'idéal américain. Ce que je trouvais génial là-dedans, c'est exactement ça qui arrive. Il incarne l'idéal communiste. Ça se passe en pleine guerre froide. Et là, ce qui est le fun, c'est que c'est le contraire qui va se passer. C'est que graduellement, les États-Unis vont battre de l'aile jusqu'à devenir le capitalisme va devenir un système utopique. Puis tout le monde au complet devient communiste parce que Superman est là. C'est vraiment exactement le contraire un peu qui s'est passé pendant les années 50. Puis plus ça va, moi, ce que j'ai trouvé fucked up là-dedans, c'est qu'ils ont ramené Batman comme si... C'était le némésis parfait de Superman tout en étant son complément. Si Superman était allé, Superman était tombé en URSS, il y aurait un Batman bolchevique. Ce qui est d'ailleurs, son costume est hot, comme un casque de poêle avec des oreilles, genre il était écœurant. C'est Batman bolchevique et ils ont la même relation encore une fois, genre. Hey, imagine-toi si Superman serait atterri dans la baie des cochons pendant l'exode de Cuba, même. À Castro, ça aurait été c'est malade. Ça. Mais c'est vraiment ça la prémisse de départ. Puis effectivement, ça se lit tout seul. Ça se lit en man, une imagine soirée ou deux. Dans le FLQ ou le Lac Meech. Là, ou... Moi, je la recommande à n'importe qui lit pas de comic en général. Fait, tu connais Superman? Ouais, un peu. Tu connais Batman? Ouais, ouais. Ça va te faire une question. Tout ce que t'as besoin, c'est vraiment bon. Une question, on va te faire, parce que t'as dit, pendant que tout le reste du monde devient communiste, oui. T'as dit que les États-Unis, ça devient genre un... Ils s'isolent, il y a comme des murs, genre, c'est comme la seule bastion qui reste, genre, capitaliste dans le monde. Ça rend tellement décris qu'il n'y a plus personne qui veut le non plus. Est-ce qu'ils sont vus comme bons, méchants? Non, comme... Ben, c'est juste comme des... Comme avant la chute du mur de Berlin, genre. Ouais, mais parce ils sont pas détestés, ils sont juste genre, vous êtes des mecs. Mais historiquement, les États-Unis, si ça chie trop, ils font juste rentrer toutes les armes. C'est ça qu'ils vont faire. Puis c'est. Mais la dette devient pauvre. Mais là, on veut pas trop. Parce que si on en parle plus, on va spoiler le livre. On spoil plein d'affaires. Mais j'aime ça. Moi, ça m'intéresse. Puis je suis un fan de Superman. Fait que moi, j'ai fait longtemps avec des amis. J'en entends parler de ça. Ils disent, faut que tu lises Red Son, c'est cool. J'ai jamais eu la chance de lire encore, puis ça m'intéresse. Moi, ça le rekindle mon amour pour Superman. C'est le meilleur super-héros dans l'histoire. C'est super. C'est ce qui est cool des trade paperbacks, c'est que même, tu sais, t'as beaucoup de gens qui veulent rentrer dans les comics, puis qui se laissent intimider par les comics, mais un trade paperback, c'est, t'as l'histoire de A à Z. Fait que au moins, tu sais que tu l'ouvres, puis tu Donner total. C'est encore drôle, ça, faut faire attention, parce que dans les crossovers, les gros événements crossover, les paperbacks sont pas faciles, puis je pense Civil War, ça en est un gros problème, où ce que tu le lis, puis tu fais comme, ok, je me sens comme un petit rejet qui fait pas partie de la gang, puis j'ai pas lu les 40 millions d'autres titres, tu sais. Mais dans les vases clos, là, on peut appeler, ouais. Le paperback, c'est parfait. Là. Comme Batman Year One ou Darkening Returns, c'est comme les exemples donnés, c'est... Le Red même... Hood. Puis justement, dans les trade paperbacks, j'ai des coéquipiers de ma femme qui il a entendu que j'aimais des comics, mais j'en lisais pas trop. Il a commencé à me filer les New 52, nice. Les Green Lantern. Puis là, je suis rendu au troisième. Troisième trade ou troisième? Troisième trade. Okay. Ils sont super bien cotés. Je capote. Là. Mais je suis curieux, Jay, justement. Ouais, je suis curieux, justement. Toi, ayant lu des comics, tu le quittes, on parle de Superman Red Son. T'as-tu un coup de cœur qui te vient en tête là, facilement que tu disais comment qu'il faut lire ça? Ah ouais? Ah mon Dieu que j'aime ça. J'aime tellement, c'est mon super-héros préféré. C'est quoi qui t'a attiré d'Hellboy exactement? Ben moi j'avais vu le 1, j'avais fait comme ah cool, c'est bon, c'est le fun, tu sais. Il était bon le premier film, genre ça allait. Le 2, j'ai tellement aimé ça là, c'est avec l'armée d'or. C'est super bon le 2. Puis en plus la réalisation, le Ron Perlman, je veux dire, écoute, il kill ça. Puis Seth MacFarlane qui fait la voix. Non, j'espère qu'il va en avoir un troisième. Seth MacFarlane qui fait la voix du docteur, j'oublie son nom là, allemand. Fait que j'ai fait ah, oui. Oh, je vais aller checker sur internet, je les ai téléchargés légalement en CBZ, je pense, ou CBR. CBA, ouais. Puis je les ai toutes, puis c'est bon, là, puis c'est justement à chaque BD, un début, milieu, fin, ou des fois peut-être deux ou trois, mais sans tu plus. Tu veux une actualité à ton commentaire? Vas-y donc. Mike Mignola prend sa retraite, il retire Hellboy, il n'y en aura plus. Non! Non, il a dit, j'ai fait le tour, j'ai fait ces 30 quelques années en mousse de carrière. Oh non! J'ai fait le tour du jardin, je passe à autre chose parce qu'en tant qu'artiste, je me sens limité dans mon médium du comic book et il se lance dans la peinture et les aquarelles. Oh, mais c'est tellement beau ce qu'il fait, ses œuvres vont sûrement être géniales. Non, c'est clair, il s'en va comme artiste visuel à temps plein. Mais c'est quoi? C'est quasiment mieux qu'il fasse ça en disant, écoute, j'ai plafonné. Comme Seinfeld. C'était cool, on arrête ça là. That's au top. Ouais. Mais c'était tellement bon. C'est triste parce que l'industrie perd un créateur incroyable. Là. Certainement. Mais d'un autre côté, c'est ça. Mais des fois, ils disent ça, puis ces gars-là, ils reviennent deux ans check après. Check Jean Leloup. Fait le tour. Ben, Frank Miller, c'est pareil. Meilleur règle. J'ai envie de caca. Hey, petit fun fact. Tu sais, vous avez dit tantôt le pattern de toutes les supervillains un peu finissent tout le temps par devenir président, puis ces affaires-là. J'ai appris aujourd'hui que Kanye West se présente comme président en 2020. Kanye West est un supervillain qui a dit ça, là. Ben, il y a longtemps. Il y a une couple de mois, pareil, mais pareil. Non, c'était l'année passée. Non, mais il y a plus d'une semaine. Des mois, c'est vrai. Deux mois. Deux ans, c'est... En fait, c'est au mois de mars 2015. Fait que si 2020, Kanye West est président, on va pouvoir dire que tous les supervillains deviennent présidents. Ben, Donald Trump, déjà. C'est un super vilain solide, là, déjà, là. J'aimerais mieux Kanye que Donald Trump, sincèrement. Mais là, je pense qu'on parle trop. Imagine Donald pis Vice President Kanye. Le monde n'est pas prêt pour ça. Hey, j'ai une actualité super brève. Je me suis acheté un vélo. Hey, félicitations, André. Cool. Il est hipster. Ah, il est en arrière. C'est un vélo avec genre un pas de fixe, là. Ouais. Ben, c'est parce que je vous laisse suer. Ouais. Vous m'inspirez les gars avec vos puddle of sweat puis Guillaume qui a pas d'hashtag mais qui est au gym. Puis je trouvais ça cool puis j'ai réalisé mes parents ils habitent à 5 km d'ici. Puis je vais au moins une fois par semaine, des fois deux maintenant. On a toujours besoin de sauce à spag. Toujours une ride maintenant. De 10 km, ça me prend à peu près une demi-heure pour l'instant. Mon goal est de le faire en 20 minutes aller-retour. Il va être rendu le king de la hill sur Strava. Ouais, fait que c'est un peu ça, c'est que j'ai acheté un vélo cheap, le CCM, Canadian Tire. En passant, pour ceux, ok, je suis dans la trentaine, avancé un peu, moment où certaines personnes vont se rassocier à moi, j'arrive chez Canadian Tire, puis ça fait 3-4 fois je check le basic, puis là, un moment donné, je fais comme, ok, je vais l'acheter. Puis là, je regarde le gars, puis je fais, tu sais, pour acheter le vélo, je fais quoi avec? Parce que, tu sais, dans le temps, t'as acheté un vélo. Ton papa le payait. Puis il te donnait une boîte. Ben, ton père le payait, mais il te donnait la boîte, t'arrivais chez vous, puis tu l'assemblais. T'sais, c'était comme un Ikea, mais du transport. Puis, ben là, tu sais, le gars, il me regarde, puis il fait, ben, tu le prends, ouais, puis tu vas à la caisse, puis tu le payes. Fait que je reste là, puis je fais, ouais, OK, j'ai l'air cave et dépassé. Fait que là, le gars, il se revirait de bord, puis il a fait, hey, Snapchat, il y a un vieux bonhomme dégueulasse qui m'a demandé comment il payait son vélo, puis non, ça aurait été fucking c'est drôle, c'est là, mais... qu'il y a la paranoïa. Je me suis réveillé à 2h du matin en sueur en pensant à ça. Mais non, fait que j'ai acheté le vélo, j'arrive à la caisse, t'inquiète, puis là, juste du fun. Puis j'arrive sur ma rue, je débarque du truck, puis j'ai vraiment eu un moment où ça a fait comme... Tu sais, dans la vie, des fois, t'es confiant, puis des fois, tu fais comme tu doutes de tes skills. Puis là, ça faisait 10 ans que j'avais pas fait de vélo. C'est-tu le premier vélo que c'est pas ton papa qui t'achète? Quasiment, ouais. En fait, je me suis jamais acheté de vélo, puis là, c'était comme, ok, tu sais, puis c'est pas un investissement de fou, ben j'ai acheté un cheap, là. Mais je suis dans la rue, puis là, je regarde autour de moi, puis je fais, ok, si je me pète la gueule, qui peut rire de moi? Puis là, il y a personne dans la rue, puis là, je fais, ok, je pars. Puis là, tu sais, je pars d'une manière super awkward où, tu sais, c'est comme quand t'as, c'est quoi, c'est 5 ans ou 7 ans, puis là, il enlève les training wheels, puis là, t'as le cul qui shake, puis le devant qui s'en va tout croche, là. On dirait que t'es Michael J. Fox qui fait du vélo. Puis, fait que là, je pars, puis ça shake de partout, puis un moment donné, ça shake plus. Je suis en ligne droite, puis là, j'ai du fun. Puis là, ça rembarque, puis je fais comme, hey, cool, puis tout va bien. Fait que finalement, à un moment donné, il lâche le guidon puis il se pète la gueule. 100 mètres plus tard, je commence à suer, à chercher mon air, j'ai des douleurs dans l'estomac puis non, gars, je vois des points blancs. Je pompe l'huile, je vois des points blancs. Avoue, je aussi parce que j'ai commencé à faire du bicycle après un an passé puis de sous stationnaire aussi. Le pèteux au début, là. Ah oui. Le lendemain, en fait. Oui. La partie entre les testicules le et l'anus, là. Le gooch. La peau, là. Le spa. Ouais. Fait que le spa, c'est pas les couilles, pis c'est pas le pied. C'est ça. Le spa. Mais en réalité, je trippe faire du vélo, pis là, tu sais, je suis comme... Je suis devenu celui... qui publie ses résultats sur Facebook de genre encouragez-moi je vais faire 5 km. Puis là un an j'étais comme check le cave qui fait du vélo. Ça j'étais unfollowé dernier. Ben tu vois récemment mais maintenant qu'est-ce qui est cool c'est que je vais live stream toutes mes sessions de vélo. Non, pas en toutes. Mais c'est ça c'est mon actualité c'est que tu sais je me promène en vélo puis c'est le fun. Hashtag puddle of sweat. C'est ça. Ben, je veux pas voler ton hashtag puddle of sweat. Non, encourage-le. Mais, écoute, hashtag puddle of sweat. Je pense que j'ai fait peur à ma pauvre mère quand je suis arrivé en fin de semaine avec le vélo, justement. Ben, je suis arrivé dans le cours. Hey, il faisait peut-être 30 degrés, puis moi, je pars plein de bonne volonté. M'en va chez les parents, fête des pères, j'arrive en bike. J'arrive là-bas, puis ça sonnait comme ça. Et le BC qui a fêté dans Corvette quand t'es retourné? Ou... Non. Je l'ai redescendu en bike, par exemple. L'orgueil aurait eu raison de ma santé. Oui, c'est bon, ça. Mais non, c'était cool. C'est juste j'ai pompé l'huile pendant peut-être 45 minutes. Ça va devenir juste de plus en plus facile. Puis ta santé va aller en reculons. Puis tu vas sentir comme tu deviens de plus en plus jeune. C'est la vraie fontaine de... Je me sentirai probablement jamais comme étant plus jeune. La femme fontaine de... Hein? Ouais, mais moi, c'est parce que... J'étais pas dit en anglais, là, mais c'est Fountain of Youth. Là, c'est... Mais ça ressemble à ça en réalité. Fait que c'était ça mon actualité qui est très simple et très courte. Félicitations. Merci. Puis déjà, on l'a compris mieux que Fountain of Youth de Darren Aronofsky. Oh! Ok, ben au moins quelqu'un l'a compris. Trop deep c'est bon, pour moi. Moi non plus, je l'ai pas compris. Je pense que Guillaume l'a compris. Oui, j'ai le film votre propre podcast. On a compris. Fait que Jay, écoute, tu sais quand tu fais une joke pointue au geek collectif podcast. Personne qui a compris dans la gang. T'es allé dans le pointu solide là. Hey Jay, ce que je te propose, compte tenu que on va comme te dédier le reste du podcast, on va parler juste de ton show, on va tout parler toi, de qu'est-ce qui se passe, on va parler de toi. On va parler de Star Trek. Ah, ce que vous voulez. On peut parler de Star. Ouais. Moi, j'ai plein d'affaires. Moi, j'avais du fun avec tout ce que vous avez dit, là. Ben, tu vois, là, on va avoir encore plus de fun. Mais avant ça. Là, nous, on va avoir du fun avec toi. Là, on va avoir du fun avec toi. Okay. Mais avant ça, on va prendre une courte pause. Oui. On va se ravitailler. Puis, on va être de retour dans la 5 bouche minutes. Pleine. Donc, Internet, on se revoit dans 5 minutes. Courte pause. Donc, de retour de la pause. Yeah. All right, guys. Fait qu'on est rendu dans la partie du show où on va interagir avec notre invité, Jérémy. Yeah. Jay, il y a des gens qui te connaissent pas, qui vont plein écouter le podcast. On va les inviter à écouter l'épisode 36, mais pour ceux qui iront pas, parce que les auditeurs, tu sais, ils font ce qu'ils veulent. Qui es-tu, Jérémy Larouche? Je suis un garçon. J'ai 32 ans. C'est ça, je suis un humoriste. Je fais des spectacles un peu partout au Québec. Je fais aussi des chroniques télévision. J'écris aussi pour d'autres humoristes. Mon Dieu. Je suis surtout, principalement, maintenant un mari et père de deux enfants. J'ai encore l'air d'avoir 22 ans. Tu vas l'avoir pour toujours. Ouais, mais je pense que la vie va me crisser une jambette, genre du jour au lendemain. Du jour au lendemain, je vais me lever, je vais être dégueulasse, genre. Je vais comme tout perdre mes cheveux, je vais être tout croche, rabougri, genre. J'ai comme l'impression qu'à 46 ans, là, je vais être nice jusqu'à, mettons, mi-quarantaine, puis là, je vais aller avoir comme 80 ans. Fait que toi, t'assumes que ton downhill va se faire comme mi-quarantaine, à 45, c'est comme... Je sais pas, à 46, j'ai comme l'impression... Crash and burn. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je parle de ça, je dis tout le temps 46, fait que je sais pas. À 46 ans, je vais devenir dégueulasse. Ils disent que quand tu grandis ou tu vieillis, c'est toujours le début de la décennie qui est rough mentalement, puis mi-décennie, tu acceptes que t'étais correct. Puis après ça, c'est l'autre hit qui arrive à chaque changement de décennie. C'est bizarre, ouais. Moi, ouais. Je suis comme heureux d'être dans la trentaine depuis deux ans, là, puis je pense que je vais être vraiment triste d'avoir 40 ans. La trentaine, c'est nice, pareil. Non, mais tu juste continuer de dire que le 40, maintenant, c'est le nouveau 30, 30, c'est le nouveau 20. Ah, oui, c'est vrai. C'est correct. C'est mental. C'est ça qu'il faut se dire, Eric. C'est ça que moi, je me dis. Ah, ça a marché, parce que je vais avoir 18 jusqu'à temps que je meurs. Fait. Mon père, il a 74, puis il dit encore, j'ai 18 ans avec 54 ans d'expérience. Voilà. Joke plate de mon oncle, mais... Ça fait sa job. Ça marche. Ça pognait, par exemple, quand il y avait 40 avec les jeunes. Ah, il pogne plein de madame avec ça. OK. Il y a comme un silence sur la vie sexuelle. Ouais, André, t'as souffert. Mais mon père aussi est vasectomisé, fait qu'inquiétez-vous pas. Il t'a été se faire vasectomiser à la même pas place. Pas à même place. Quand le gars, ils ont eu le famille de scouts, le gars, il venait probablement de sortir de l'école de médecin, là, mon père. Ouais, OK. Ouais, c'était une nouvelle technique dans le temps. T'apprenais soit le Kamasutra ou bien la vasectomie, tu sais. Oh, c'est des belles mœurs sexuelles. Un des deux. Un des deux. Il y en avait un qui était chanceux, puis l'autre, ben. Jay, vas-y donc. Fait que là, toi, apparemment, là, que tu serais en show dans un avenir très rapproché. Oui. Ben, je suis continuellement en spectacle, mais là, il y a un show en particulier que vraiment, là, je monte depuis, ça fait 3 ans que je travaille là-dessus à temps perdu. 3 ans, là. Ouais, un an que je travaille là-dessus vraiment plus sérieusement, puis 6 mois, je te dirais que je travaille vraiment là-dessus à temps plein. C'est la saga des étoiles. Que je présente 6 soirs à ZooFest. Fait que 1 an plus 6 mois, ça fait 3 ans de travail. OK, cool. Non, mais je veux dire, ça fait 3 ans que je prends des notes, que je griffonne, que je fais « Ah, j'aimerais ça ». Puis en fait, le défi, c'est de résumer les 6 films de Star Wars en 1 heure avec un théâtre d'objets de marionnettes. Fait que c'est comme Lego Star Wars, mais en théâtre. Mais en live, ouais. C'est ça. Mais là, c'est plus carton Star Wars. Parce que au début, je l'ai fabriqué, les marionnettes, vraiment, tu sais, avec des têtes rondes, avec. Non, mais avec des têtes rondes, puis des épaules, si puis des. Ouais, tu sais, des vraies marionnettes, là, comme tu vois, là, tu sais, puis avec, mettons, une main à toi, puis l'autre main, tu tiens le bâton, la tringle, puis tu utilises la tête, tu sais, des marottes, puis tout, peu importe. J'avais essayé plein de sortes de marionnettes. Finalement, c'était beaucoup trop compliqué, tout ça. C'était trop pesant, puis je voulais faire le show tout seul, parce que je trouvais ça cool, l'espèce de côté. Homme orchestre qui fait tout, tu sais. Ben ouais. Fait que j'ai comme fait ben les prototypes de marionnettes jusqu'à temps que j'en vienne à la conclusion que le plus simple c'était vraiment juste de dessiner, mettons, Chewbacca en 2D sur une feuille cartonnée, le découper, le coller du tape sur un piquette à fondu, genre un piquette à barbecue en bois, là, tu sais, à la brochette, là. Puis de le piquer dans du styromousse. Puis c'est comme la façon la plus simple que j'ai trouvé, puis ça fait la job full pin. Fait que là, tout le côté carton a amené les décors, où est-ce que. Tu sais, mais j'ai 20 décors, mes décors, c'est comme des pop-up books. Fait que c'est des livres que tu rouvres, puis que tout se déplie, genre. Puis c'est comme, t'as Bespin, Coruscant, Naboo, tout ça que ça se déplie, tout en carton. Ça, c'est cool. Mais bon, toi, Star Wars, ça part d'où, cette obsession de Star Wars en papier? Ben, quand j'étais petit... Star Wars en papier, en fait, Star Wars, c'est cool. Non, mais c'est l'Évangile en papier, mais... Dans le fond, tu trippais l'Évangile en papier. C'est ça, là. T'as dit, moi, je peux faire ça avec Star Wars. Il a reçu un livret, là, tu sais, où est-ce que t'as les poupées avec le linge en papier de Star Wars. Oui, ben, c'est un peu le même principe, je te dirais, parce qu'il y a des changements de costume comme ça. Ça part d'où, ça? Non, on a des espèces de petites gommettes molles, tu sais, là, mais c'est quand même le même principe. Ouais, la création de Darth Vader, elle se fait exactement comme ça. Nice. Je te dirais, morceau là, c'est... par morceau. Ben, parce qu'il est tout, il est tout pété, Anakin, dans lave, puis là, l'empereur arrive, puis morceau par morceau, on colle comme les vêtements de Dark Vador. C'est ça qui est quand même cool. Après, ça, il dit oui! Mais là, il fait non. mais c'est ça, ça a parti d'où? Parce que t'aurais pu prendre Ninja Turtles, Star Trek, t'aurais pu prendre Jurassic Un Homme et son péché. Vous nommez tous des trucs vraiment hot. Tous ces prochains shows, on vient de les nommer. Chaque année, je fais une trilogie. Des souris et des hommes. Mais Star Wars, c'est un film qu'on écoutait je sais pas combien de fois, over and over quand on était petit. Tu sais, moi, j'ai encore le tape cassette VHS. Et encore. Je l'écoute encore. C'est ça. Mais j'ai le tape cassette VHS quand j'étais petit que j'écoutais avec le 649 qui défile dans le bas. Avec les annonces avec le petit coin blanc là, qui flash là, parce qu'il va y avoir une annonce en haut. Au beau dimanche, genre, on a fait la même. Mais pour te dire, prépare-toi à arrêter ton VHS là. Il va y avoir une annonce. Mais tu savais que ces petits carrés-là, ça servait pour les VHS qui coupaient automatiquement les annonces. Exactement. Ouais, mais ça servait aussi pour le monde qui le faisait manuellement. Oui, comme nous qui étions pauvres et qui n'avaient pas ça. Au cinéma, on appelait ça des brûlures de cigarettes. Ça nous appelait qu'il fallait changer la bobine aussi également. Mais je pense que Star Wars, ça fait rêver tellement de monde. T'sais, Indiana Jones aussi, c'est des films d'aventure. Mais en même temps, je parle, mettons, de la trilogie initiale, c'est-à-dire 4, 5, 6. Là. C'est tellement une histoire simple. Là. C'est un Rescue the Princess. Puis après ça, c'est comme... un Hero's Journey. C'est tellement... Ouais. C'est comme Mario Bros. Non, mais c'est comme Harry Potter ou comme n'importe quel mythe grec. C'est une naissance obscure avec un épée magique qui a un lien avec son père. Il faut affronter son père. Le héros doit mourir et triompher de la mort à la fin. C'est tout le temps le même schéma actentiel. Cette histoire-là va toujours être bonne. Là, puis moi, ça m'a toujours fait triper quand j'étais petit. Puis c'était... je rêvais que ça existe, tu sais. Comme un jour, c'est sûr que de la vie ailleurs dans l'univers, là, mais le jour où ils vont venir nous voir, j'espère tellement que les Jedi, ça existe, genre. Mais ils ont trouvé une Tatooine dernièrement, hein, une planète de sable. Ouais, non, mais Kepler, c'est un télescope qui est dans le deep space, Kepler, là. Ils ont trouvé, ils ont une photo d'une planète en avant d'un soleil. Désertique. Qui serait théoriquement désertique, Puis t'as la photo est écœurante, parce que t'as le soleil, puis t'as la planète, et ils l'ont capté de même, là. Wow. Ouais, c'est assez spécial. Mais pas ça, mais Tatooine, il n'y a pas deux soleils? Excuse-moi, t'as raison. Non, c'est les deux soleils. Puis c'est ça la photo qu'ils ont capté. Ah, mais c'est Dantooine. C'est la planète avec deux soleils. C'est ça qu'ils ont capté avec Kepler. Puis assez hot, là, ouais. Non, c'est hot. Mais tu dis Dantooine, écoute, c'est con parce que dans le show, moi, quand je vais faire épisode 4, 5 et 6, je le fais comme je l'écoutais en français. C'est-à-dire, c'est Dark Vador. Oh. Oui, c'est Yann Solo. C'est Z6PO. C'est le Millennium Condor. La version française de France. Les Français ont saccagé. Si t'écoutes épisode 4, là, la traduction française, là, Vader, il parle, là, c'est dégueulasse. C'est comme... alors ici, oui, c'est... il y a comme une voix. c'est une frégate diplomatique. Ouais, non, c'est l'ambassadeur. T'sais, il parle comme ça. Il a gardé le verre juste pour faire ça. Ça, c'est son verre à lui. Mais dans le show, pour faire la voix de Vader, j'ai un verre qui est le verre d'épisode 7, le gros verre noir qu'il donnait au cinéma quand j'étais allé le voir. J'ai collé un velcro sur le côté, puis je le colle comme sur le côté de mes jogging. Fait qu'à chaque fois que je fais parler Vader, je sors mon verre, puis je parle dedans, puis je le recolle sur le côté. Genre, ça fait un effet tellement cool avec le micro 4. Dans le fond, c'était Alain Delon qui faisait la voix de Darth Vader, dans le fond. Là, mais pour épisode 4, ils ont pas catché les Français. Puis faut que tu comprennes, les Français et la traduction, c'est vraiment pas une belle histoire. Mais il y a pas grand-chose qui se rappellera les catch. Saison 1. Pas ça, en tout cas. Épisode 5, l'Empire Strikes Back, ils ont mis la grosse voix James Earl Jones en français quand même aussi. Mais épisode 4, réécoutez-le en français, c'est dégueulasse. Là. C'est comme la saison 1 des Simpsons, qui avait une grosse tollée quand il avait sorti ça au Québec. Puis c'est la version de France qu'il avait amené au lieu de la version québécoise. C'était de la merde. Oui, c'est ça, c'était pas bon. Là. Je suis pas en Ontario, on n'avait pas ce problème. Hein. Mais là, comment tu fais, par où ça débute? Parce que là, tu dis 3 ans de processus créatif. Ouais. Comment tu fais pour dire... bon, OK, moi, j'ai 60 minutes. Ouais. Puis je vais prendre 6 fois 2h15 à peu près pour beaucoup pour condenser ça. J'ai au-delà de 15 heures de film à résumer. Là. C'est ça. C'est ça que ça fait un an qu'on travaille dessus, moi puis ma writer, à essayer de shorter. Puis ce que je trouve cool, c'est que ma writer, elle avait jamais vu les Star Wars. OK, elle a juste fait « OK, j'embarque ». Fait qu'elle, au départ, elle checkait ça, puis elle essayait de voir si ça faisait du sens. Parce que moi, j'aimerais ça que les gens qui ont pas vu les films trouvent quand même... leur fun dans ce show-là, mais idéalement, tu sais, c'est une parodie, là. Faut que t'aies vu l'œuvre parodie. Pour tout comprendre, faut... ben, c'est sûr, tu sais. Mais c'est ça, puis c'est crève-cœur, là. Il y a tellement des choses que j'ai pas pu faire, tu sais. Genre, le général Grievous, c'est pas dans le show. But... genre, en gros, il sert juste à faire Kenobi puis se battre avec, c'est tout. Tout mais c'est... ultimement, il sert à rien. Chewbacca sert à fuck all, mais je le garde. Lui, je voulais pas l'enlever, mais je pourrais crissement l'enlever et ça changerait rien. Là. Il sert mais à il rien. Il se fait tuer dans l'épisode 7, anyways. Oh, Chewbacca? Le non? Show a pas l'épisode arrête de spoiler. 7. Arrête de spoiler. Non, non, il meurt pas. Mais tu sais, Chewbacca aurait pu mourir pis Solo continuer, j'aurais aimé ça. J'aurais vraiment aimé le gars. Là, Solo, non, mais, en Solo fait, correct. On peut en parler, là, pour vrai, parce qu'ils ont tué l'Expanded Universe. Ouais. Mais dans l'Expanded Universe. Chewbacca, il crevait dans l'Expanded Universe. Non. Il sacrifiait oui. Pis c'était fucking épique. Ouais. Mais ils ont tué l'Expanded Universe. Fait qu'il meurt pas. Il meurt plus. Mais je pense que c'est Harrison Ford qui voulait vraiment plus être là-dedans. Je suis pas mal sûr que c'était dans le film. Je suis pas mal sûr qu'il y ait qui disait, comment tue-moi, puis Lucas a fait, quand on va te congeler, on sait pas si on te garde le prochain. Tu sais, mais Harrison Ford en avait rien à chier de Star Wars, là. À part du fait que ça a créé sa carrière. Ben, en fait, ouais, mais une fois qu'elle était créée. T'as Blade Runner, puis t'as Indiana Jones aussi, là, pas loin. Là, dans t'as son vidéo avec David Blaine où il cache une carte dans une pomme, puis il fait, get the fuck out of my house. J'ai jamais vu ça. C'est malade. C'est quand même récent puis c'est sur YouTube. Mais Harrison Ford, tu l'as jamais vu dans un Comic Con signer les autographes non plus. C'est pas Mark Hamill. Mais même participer au. Mais Mark Hamill, y a-tu d'autres choses? Joker. Ben, Joker dans Batman. Ouais, ouais, mais, et puis en plus, Wing Commander, il vient de revenir. Pas, mais c'est pas glorieux comme Indiana Jones. Ouais, mais c'est peu, pas, il a fait un retour assez intense parce que justement, il avait dit moi la seule raison pourquoi. Je refais la voix du Joker. Okay, pour c'est pour The Killing Joke. Puis là, justement, ils ont annoncé qu'on faisait le film The Killing Joke. Hamill y a embarqué. C'est quasiment comme si quelqu'un l'a écouté. Sauf que Hamill, d'un autre côté, c'est comme la Dominique Michel de la voix du Joker. C'est la dernière fois, c'est ma dernière fois, c'est ma. Ouais. Mais il est tellement génial. Moi, je le suis sur Instagram. Puis sur, mm-hmm. Il est tellement. Puis sur Twitter, il est tellement le fun. C'est que moi, je pense super nice. Je pense qu'il trippe. Qui est retourné dans les pots de loup comme du fond de Jedi. Mais il s'est fait dire ça du début. Excuse André, je sais que tu veux dire de quoi, mais il s'avait dit de quoi? Il s'avait fait dire que lui était pour revenir plus tard. Là. Il avait, oui, oui. Il avait leaké ça dans les années 80, il me semble, pendant une entrevue. C'était pour revenir qu'il reviendrait, ouais. Non, mais que Lucas, il avait dit qu'il était pour revenir comme un genre de Obi-Wan en 2012 ou quelque chose comme Mais ça, ça n'a pas rapport parce qu'ils ont pété l'Expanded Universe, fait qu'à la limite... Non, mais... Mais c'est quoi? Mais... Il y a de quoi de c'est parce que l'idée, comme... Pas pour déraper trop tôt, mais LucasArts travaillait sur un Rogue One déjà, puis okay. Il voulait faire un épisode 7. Ça, c'était tout in the works. Ça faisait longtemps qu'il le disait. Puis Lucas, il avait dit à Mark Hamill, dans 25 ans, j'aimerais ça que tu reviennes comme Luke, mais un vieux Luke. Un vieux Luke, ouais. Un vieux Obi-Wan. Puis il a glissé ça dans une entrevue sur BBC comme en 83. Ouais, je mon année de naissance. Oh, hey, ouais. Bonne fête. C'était un signe. Fait que là, t'aurais pu couper Grievous. En fait, j'ai Grievous. Chewbacca, tu l'as gardé pour la parce que la c'est nostalgie. Cool de faire son bruit, puis c'est fun. Mais... Excusez. Pas de problème. Mais en réalité, explique-moi le procédé un peu, puis là, sans donner ta technique pour que tout le monde le... Mais tu pars comment? Tu fais, OK, 15 heures de show. C'est quoi? Tu écoutes les 15 heures. On après ça, tu fais, OK, ça, on n'a pas le choix. Ouais. Ça, on peut s'en... Tu sais, c'est quoi? T'as catégorisé les... Ben, sur Internet, j'ai pogné les scripts. Fait okay. Déjà, là, j'ai copié-collé les scripts dans un Google Doc. Que là, après ça, on a commencé à passer à hache dedans, puis à faire, hey, ça, on a-tu vraiment besoin de cette scène-là? Non. Et si, mettons, dans la scène avant, il disait juste ça, ah, ben oui, ça marche pareil, puis tac, tac, tac, tac, tac, de fil en aiguille, tu sais. Parce que dans le fond, tu te rends compte bien vite que épisode 1 est quand même long. Ouais. À setter, parce qu'il y a beaucoup d'affaires à expliquer. Il dure quand même 20 minutes sur le 1 heure à date, là. Wow. Dedans. Ouais. L'épisode 1? Mon épisode 1, ouais. Mais là, épisode 1, épisode genre Annie qui fait Anakin, du pod racing. J'imagine que tu sais tous les personnages en même temps. Mais je sais beaucoup d'affaires, mais en même temps, il y a beaucoup de gags dans celle-là. Parce qu'au départ, moi, ce qui est arrivé, c'est que je voulais juste voir... L'année pas... Ben, cet automne, je voulais juste voir ça marche-tu ou ça marche pas mon idée. Fait que j'avais comme dessiné les personnages d'épisode 1. Puis j'allais le roder dans des bars où il y a des soirées d'humour normal où tu sais du stand-up, là, out of nowhere, t'as moi qui arrive avec une grosse table puis plein de... Puis des marionnettes en papier, là. Oui! Et là, j'ai commencé à faire épisode 1 et le monde se pissait dessus dans la salle. Fait que j'ai fait « OK, c'est drôle! » Fait que là, j'ai comme buildé ça, j'ai rajouté des gags, j'ai improvisé puis tout ça. Fait que c'est pour ça que lui, il est comme plus... long. T'as-tu fait ça au Patriote? Patriote, je l'ai fait. Ouais, j'ai fait au Patriote. Je l'ai fait au Brouhaha. Je l'ai fait une couple de places. C'était super trippant. Puis, Tu vois, de fil en aiguille, je fais, OK, c'est beau, ça marche. Fait que là, ça m'a comme confirmé que le concept fonctionnait. C'est sûr que le 1 est un peu plus long parce qu'il a comme été plus travaillé, je te dirais, que les autres numéros, mais en même temps, ça set tellement le mood. Après ça, l'épisode 2 puis 3, tu te rends compte que ça se résume les deux quasiment ensemble. C'est assez simple à shrinker. 4, 5, 6, ça a été vraiment crève-cœur. Qu'est-ce que j'ai enlevé? Tu sais, comme, j'ai pas pu mettre le compacteur à déchets, j'ai pas pu mettre, tu sais, les scènes que tu, mythiques vraiment nice, mais que tu fais, faut que j'enlève. Ils sont dans nos souvenirs, mais en même temps, elles sont pas importantes. Non, c'est ça. Trash compactor scene est importante. Oui, mais non, elle est pas importante. Oui, puis non. Pour l'histoire, non, mais pour nos souvenirs, c'était comme, ils sont tous pognés là-dedans avec le petit. Pour nos souvenirs, c'était super cool, mais pour l'histoire, t'en as vraiment pas besoin parce que c'est juste une embûche pendant qu'ils sauvent la princesse. C'est le genre de scène castor. Mettons, c'est comme si ça joue, je vais aller me faire du popcorn ou me chercher ma bouteille d'eau, peu importe. Non, c'est pendant la trans. Le trash compactor, honnêtement. Ok, attends une seconde. Les scènes qu'on peut aller faire du popcorn dans l'épisode 4, laisse-moi passer deux secondes. J'aurais c'est au début, mais Lou qui est en train de chialer à son oncle, ça m'attend à sa job de mal. Mais non, tu peux pas, ça set la thématique. La rébellion à l'adolescent. Ah, tu peux skipper le bout tout ce qu'il y a Obi-Wan puis Luke, là, il se bat contre l'espèce de petite boule qui flotte pis qui tire des petits lasers. Ouais, ça c'est du training. Ouais, ça c'est du training. Le post, Alderaan. Après Alderaan, tu vois les corps brûlés, c'est ça? Ouais, ben je trouve qu'après l'explosion, il n'y a pas grand-chose d'important qui se passe pendant comme 10-15 minutes. Non, c'est pas vrai, il se passe plein d'affaires super nice. Hey, moi je propose, j'ai une question pour toi. Fuck, il n'y a rien à couper, on peut pas aller manger du popcorn pendant l'épisode 5. Non, Adrien, c'est quoi cette histoire? Moi j'ai l'épisode 4, c'est quoi cette histoire-là? J'ai une requête, puis je veux pas que tu me répondes, puis on va le découvrir en allant à ton show, puis en passant... Merci Jérémy, tu nous as amené des billets. Oui, je veux dire, en plus pour billets, ton ouais. show qu'on va pouvoir faire tirer, yes. Ça c'est malade. Deux paires de billets, ouais. Fait qu'il y a deux groupes de deux personnes qui vont aller découvrir le show. Puis moi, je vous l'annonce, je suis pas supposé le dire là, mais je m'en calisse un peu là. Ok, cool. Dans les prochains jours/semaines, il va y avoir une promo. C'est pas encore sorti là, mais vous suivrez ça sur ma page là. Mais les billets vont être comme en spécial, vont être 20$ flush, taxes incluses. Pendant comme vraiment pas longtemps, comme wow. Un petit blitz de vente, ouais, c'est ça. Parce que les billets, ça dépend, chaque soir, c'est pas tout à fait pareil les prix, là. Il va toujours être c'est tout dans les locales sur Saint-Laurent? Moi, je suis au Monument National, ouais. Okay, 7, cool, 8, 14, cool. 15, 18, 19. En face du parc le plus louche à Montréal. Ah, oh, man, ouais. Ça, c'est très drôle. Ce parc-là, il est fucking nice pour aller chiller avant un show, là. Après un show. Non, après le show, tu y vas pas. Hey, man. En passant, je veux juste partager ça. Mon histoire de ZooFest, c'est aller voir le Geek Show dans le temps, ouais. Sortir, puis pendant que je marche sur la rue, il y a un dude en arrière qui se met à pisser en marchant en arrière de nous. Ah ouais. Puis moi, je m'en vais d'abord, puis je fais comme... Oh fuck. Moi, je vois toujours des prostituées autochtones se faire baiser publiquement dans le parc en face. Moi, j'ai vu un homme se masturber. C'est arrivé 6 fois dans ma vie que j'ai vu ça, tu sais. C'est 6 fois, c'est vraiment triste. Parce que j'étais allé tout à taper, mais là, on fait un tour de table rapide. Fait que Monument National, le gars qui pisse, l'autre qui se masturbe par terre. Ouais, la masturbation. Là, c'est vraiment le Saint-Laurent glauque, là, cet endroit-là. Petit sur le coin, t'as un hôtel qui a l'air d'être beaucoup trop chic. T'as la SAT en face, il est super cool. Ah, c'est vraiment, c'est une belle dichotomie. Puis t'as le Montréal Pool Room. Puis t'as le voyons, le Midway qui est un bar à cocktail génial, ouais. Juste à côté du Club Soda. T'as le couche-tard dans la cave. Ah, man, ça quadrilatère-là est vraiment weird. C'est intéressant. Puis il y a des condos de luxe qui se bâtissent juste à côté. T'as une mosquée. Partout, t'as une mosquée. la tout... mosquée, je l'avais pas vue. Oui, il y a une mosquée juste à l'arrêt de la SAP. C'est fou. Cet endroit-là est beaucoup trop. Il manque juste une ferme d'élevage de pitbull franglaise à côté. Puis... Mais... de pitbull qu'on n'a pas le droit de déterminer si c'est un mâle ou une femelle. Mais là, t'as pas le droit de fumer sur leur terrasse. Mais crois-tu que dans la création d'un show comme ça, en partenariat, premièrement, ZooFest, toi, c'est quoi? T'es allé faire un pitch à eux autres, t'as dit « Salut, je m'appelle Jérémy, v'là mes mais non, mais on se connaît, mais... c'est mon 7e ZooFest. Tu connais ZooFest? Monsieur ZooFest, je le connais. Le nouveau directeur depuis 2 ans maintenant, Patrick Roson, qui est très cool. Mais non, je connais pas mal un peu tout le monde, fait que j'étais allé, j'ai dit « Salut, hey, je vais vous présenter ça, nanana, qu'est-ce que vous en pensez? » Puis on dit « Ben oui, c'est cool, ok. » Ça, c'est that's it. Ben, oui, c'est le même. Mais j'avais prévu faire 15 minutes là-dessus. Non, mais c'est parce que en même temps, c'est niaiseux, mais... ce qui est le fun à un moment donné dans ta carrière, c'est que tu commences à jouer d'une certaine notoriété. Ou est-ce que, tu sais, ben, dans la relève, je commence à avoir cette notoriété-là. Tu sais, genre, je comme, tu sais, sors-tu de la relève? Dans... Ouais, tu restes en relève longtemps, man. Écoute, si toi, tu décides de faire du stand-up, c'est ton premier numéro ever, t'es considéré relève. Moi, je suis considéré relève. Corinne Côté est considéré relève. Ça peut. Fait que tout ça dans l'annonce de la Chevrolet Rouge, là. C'est comme du indie rock. La fin, tu fais pas un million. Ça va être je suis un peu tanné du terme relève de l'humour parce que je trouve ça galvaudé. Dans le fond, on pourrait prendre genre, t'es dans ECHL de l'humour, là, AHL de l'humour, dans NHL ouais, de l'humour. Ouais, genre, mais moi je m'en fous un peu. Moi je gagne ma vie en étant niaiseux. Fait que je suis heureux. J'ai gagné. Ça peut être c'est ça, quand même le restant un beau de ma carrière. Je suis content, c'est la madame là, que j'ai tellement poche avec les noms. Là, mais... Et merci. Lise Dion, elle a pas eu de relève. Elle est allée du Tim Hortons du stage, non? Ben, elle est arrivée dans une autre époque. Dunkin' Donuts. C'était une autre époque, dans les années 90, où est-ce que c'était beaucoup différent. Il y avait l'Empire Roquetant aussi dans ce temps-là. T'as pas besoin d'aller à l'école dans le temps pour faire ben, tu faisais un hit dans un gala juste bourré, puis c'était parti, tu sais. Il y avait beaucoup puis moins de monde. Ils prenaient n'importe qui dans le gala, parce que il y avait moins de monde aux États-Unis. C'était plus facile. Aux États-Unis, c'est en fait, les États-Unis, j'ai remarqué, le stand-up, c'est hit or miss. Mais le reste, c'est du elbow juice dans des troupes d'impro. Ben, souvent, oui, mais aux États-Unis, tu je connais pas tant ça pour me prononcer là-dessus, mais ce que je te dirais, c'est que chaque humoriste, il y a beaucoup de sitcoms, ces choses-là. Chaque humoriste, tu sais, quand tu dis, mettons, moi, je suis un stand-up comédien, il faut comme, OK. Il y a les t'écris sur quel sitcom? C'est ça, le mais monde dans le fond, ici, tu dis, je suis un humoriste, ils font, OK, mais ta vraie job, c'est quoi? Tu vois, c'est un peu, la nuance. Ben, c'est ils sont très, ils sont beaucoup des writers. Très writers, ouais. Mais là, t'es long, en train de dire. C'est dur faire ta place aux États-Unis encore plus qu'ici. Mais aux États, c'est un writer qui fait du stand-up. Ici, ils font du stand-up, ils demandent, c'est quoi ta vraie job? C'est genre, travailler au couche-tard. Ouais. Ou c'est souvent. C'est pas, j'écris pour. Ouais, telle c'est affaire, ça. Tandis qu'aux États-Unis, il y a quand même un marché tu peux plus facilement travailler dans le domaine, entre guillemets, sans nécessairement être comme le frontman, mais ouais. Tu peux aussi ça. Aller faire travailler des open mic puis espérer que le management te trouve mais drôle. Mais parlant de ça un peu, justement, avant humour, si on fait un topo, parce que là, écoute, depuis ton dernier passage, comme tu peux le remarquer, on a grandi l'équipe. Il y a Guillaume qui s'est joint à nous. Il y a Alex qui peut pas être là ce soir, qui est sincèrement j'aimerais désolé. Aussi, ils ont grandi les barbes. On a grandi les barbes et l'équipe. C'est une corrélation directe. C'est incroyable. Le budget s'est fait aller. Plus de monde, même pas d'argent. J'ai pu m'acheter les cacanes, là, tu sais, les infopubs dans le temps. Tu te shootais des cheveux, là. Moi, je m'y mets dans la barbe. Mais en réalité, là, si on regarde ton profil, dans le fond, un ancien agent de sécurité garda dans un hôpital. Ouais, j'ai fait ça pendant 9 ans, ouais. Après ça, t'es devenu coach d'impro au Cégep d'Annecy. Je le suis encore. T'es encore coach d'impro. Je m'attends pas, non? J'adore est-ce ça. Que tu es toujours parfois en train de jouer un drag queen au Cabaret Mado? Ça arrive moins souvent, mais je suis encore au Cabaret Mado toutes les semaines avec la Galaxie, la Ligue d'impro là-bas. Où ça fait 2 ans que je coach. Là, je vais probablement revenir comme joueur. Ça fait longtemps que j'ai pas joué dans une Ligue d'impro. C'est une des meilleures ligues d'impro à Montréal, en fait. C'est vraiment super cool, le show qui est là. Puis ça n'a pas rapport que ce soit au Mado. Là. Hey non. C'est des joueurs d'impro normaux, là, dans le sens que on joue pas c'est en pas des drag queen. On joue un match de drag, par exemple. C'est drag queen ça, contre, c'est cool, contre les joueurs qui sont en drag et c'est malade mental comme match. Mais honnêtement, c'est une ligue d'impro, tout ce qui est plus normal. Oui, l'affaire, petite parenthèse d'impro, là. Oui. Moi, j'ai étudié en animation culturelle, ce que tu dois connaître, parce qu'il y a énormément de joueurs... Ouais, arc, ouais. Dans tous les sens du terme. Il y a énormément de joueurs d'impro qui passent par là. Moi, Feu Lalassie, dans le temps, quand j'étais animateur. Oui, Lalassie, ouais. Mais, tu sais, j'ai bien aidé... C'est le job d'animateur de 4 jours, c'est ça, ou... Non, mais animation on rentre pas dans le débat de arc. Ah, mais moi, je... OK, arc de 1 animation et recherche culturelle. ARC. Comme ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même beaucoup de gens que je connais qui participent à l'impro. Je vois beaucoup de pubs passer, mais à part, d'exemple, la LNI qu'on voit à télé, je veux dire, je suis pas parce que, peut-être parce que je suis pas assez branché, mais je vois jamais de trucs web diffusés d'impro. Comme si c'est comme une chasse gardée de faut que tu sois là live. Ben, c'est que la LNI a des droits d'auteur sur le jeu de l'impro. Ah, OK. Tu peux pas diffuser de l'impro sans la LNI. Ils vont te poursuivre. Pour vrai? Ça s'appelle les droits d'auteur? OK, mais attends un peu. Eux autres, ils ont le droit d'auteur sur l'improvisation. C'est comme si... J'étais sur un bateau de croisière. Je pense sincèrement que oui. Mais il faudrait vérifier, mais moi... C'est le jeu d'impro. Le jeu d'impro avec un arbitre, la POC, tout ça. Pas le fait d'improviser ou de faire du théâtre. Okay. Ah, mais Eric, ouais. J'étais en nom international, c'était correct. Il y a du gambling, c'est vrai. Mais je parle... Le principe de la LNI, ça appartient à la LNI. Parce que quand tu joues, mettons, dans la... Comment t'appelais ça? La Galaxie, ouais. La Galaxie, est-ce que vous avez le même concept que la LNI? Oh, c'est une ligue d'impro, là. Mais non. Non, mais... parce qu'on a notre décorum à nous, on a nos règlements à nous autres, on a nos catégories. Donc, vous pourriez théoriquement diffuser ou diffuser, streamer, mettons, sur Twitch, mettons, ou YouTube. Mais en même temps, c'est tout le temps un peu d'essayer de trouver quelqu'un qui a les ressources, l'énergie, le temps et l'envie de le faire de veut, façon ça, bénévole c'est ou du moins pour pratiquement fuck all, à part merci, on te paye la bière, genre. Mm-hmm. Hey, écoute, ça ressemble à un podcast, ça. Ah ouais, là! Mais en même temps, je sais pas à quel point c'est le fun à regarder de l'impro. À la TV. Le monde disait la même chose au début sur « Je vais pas regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo. » C'est vrai, t'as raison. Je suis certain. Gars, sur Twitch, là, il y a du monde qui... Le monde nous regarde présentement. On jase. On est les cinq gars non, c'est assis vrai. Autour d'une table faudrait on que, jase. Faudrait, ben gars, écoute, je lance l'appel. Si quelqu'un a le goût de faire ça pour de l'amour, des câlins... De l'alcool. Mais si la personne, c'est un fan d'impro en même temps, c'est sûr qu'à la Galaxie, on serait ouvert, là. En plus, à la Galaxie, ce qui est génial, c'est que le show est vraiment fou parce que on a un public queer. On a un public, c'est la clientèle du Mado. Donc, c'est des gens qui aiment ça quand c'est sensationnel, quand mettons, nous autres, la soirée des Oscars, souvent, c'est tout le temps un dimanche, là. On cancelle. Il n'y a pas de match. Parce qu'on n'aura pas de public. Le monde regarde les Oscars. C'est ça, les Tonys aussi. Ah, non, ça, on n'a pas de problème. parlant de match, mais justement. Pour personne qui regarde les Tonys. Ça donne un show excessivement spectaculaire, entre guillemets. C'est pas théâtral. C'est vraiment du gros gag. C'est comme aller voir un film à Fantasia. Le monde sont là pour être dedans. Niché. Ouais, pour c'est boire niché de la bière. C'est pas tous les joueurs d'impro qui sont capables de jouer à Galaxy. Je suis perplexe. Oscar, ça pogne plus que les Tonys pour le Galaxy. Oui, les queer. Je te le dis. Mais de Montréal, visiblement, on a de la misère à avoir des gens... La soirée mais là, je sais pas pourquoi. Continuons dans la ligne du temps. Oui. Tu parlais de match, tu parlais d'être d'un arène. On va parler du El Drôle avec une thématique de lutte. Où apparemment, tu avais une tenue un peu sensationnaliste. C'est une super bonne source. J'entends Jean-Luc qui Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait des aspects de pilosité qui avaient été peut-être un peu débordés. Parce que là, tu dis que tu t'es pas rasé pour le show, mais apparemment... Tu sais, quand j'ai dit que j'allais être dégueu à 46 ans, je l'ai été la semaine passée, OK? C'est à Québec, au Comedy Ha, qui est le festival d'humour à Québec. J'étais là il y a 2 semaines pour tourner mon gala Comedy Club, en fait, qui maintenant est diffusé sur Uni, qui est le poste de télévision que personne n'écoute. Fait que... Non, j'écoute Uni. Mais, oui, c'est quel poste? Attends, Uni, c'est celle qui a les descriptifs aussi, hein? Non, ça, c'est Ami. Ah, OK. Ouais. Mais Uni, c'est lequel? Mettons, là... C'est exactement ça, mon point! Numéro de poste, mettons. Mettons que j'ai Vidéotron. C'est le poste queer, dans le fond. UNIS, le Uni. OK. C'est franco-canadien, là. Ils ont, je sais que c'est franco-québécois. Ouais. Canadien. C'est comme américain, un peu, ou? Genre. On n'est pas loin d'un PTN, sincèrement. PTN, oh, fuck. Il y a quelque chose qui se passe. Oui, mais il y a du budget à PTN. Fait que là, toi, c'est un show à thématique mais là, lutte. Là, cette semaine, j'étais là-bas. C'était El Drôle. C'est les gens qui organisent ça qui m'ont demandé d'animer. En gros, c'est super simple. Il y avait un ring de lutte. Parce qu'il y avait des soirées avec des vrais lutteurs. Vraiment, les shows de lutte. Ultimate Warrior. Mais c'est Comedy Slam, là. Fait que, tu sais, c'est quoi, c'est Grand Corps Malade qui se bat contre un autre gars? Non, mais c'est Jean-François Kelly de RDS qui animait. Oui. Mais les lutteurs, c'est des vrais, vrais, super bons lutteurs. C'est juste que tout est stagé un peu comique. C'est niaiseux, pis tu sais. Mais ça reste la vraie lutte. Oui, mais il en mettait un peu plus, mettons. Il y a moins de barbelés. C'est ça. Puis juste avant ça, sur le ring, moi j'animais ce show d'humour-là qui durait 1 heure. C'était 4 humoristes, c'était 2 duels, puis les gagnants de chacun des duels s'affrontaient en finale. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça, le public votait pour son humoriste préféré. Genre de 8 miles de comédie. Genre, ouais. Ça c'est cool. Mom's puis surtout, les humoristes étaient comme à côté d'un cordes, puis pendant que tu fais ton stand-up, c'est comme « Femme ta gueule! » Genre c'était cool. Tu fais heckler un peu, puis c'était cool. Il y a pas eu beaucoup de monde qui se sont déplacés, malheureusement, dans le cabaret du Capitole. On aurait aimé avoir plus de public. Mais tu sais, c'est un peu obscur quand même comme concept. Et moi, j'étais déguisé, il m'avait dit « Va t'acheter un costume de lutteur. » Et moi, j'ai fait les choses en grand. Fait que t'es allé chez Ardenne. allé chez Halloween Depot, Halloween Mania, je ne sais pas trop, sur Henri Bourassa, sur Métropolitain, là, Montréal, proche du boulevard L'Angelier. Et j'avais comme juste un masque rouge. J'ai acheté comme un faux chess musclé avec une cape. Et je ne portais que ça. Dans le sens que j'avais juste... tout le reste en descendant, j'avais mis un string noir, beaucoup trop moulant. Fait que le paquet, il flottait pis tout. Le paquet était là, mais... Ouais, il voyait la cicatrice. Ah non, mais... Ah ouais, ouais. Tu me voyais la cicatrice de vasectomie, c'est un solide temps, OK? Et à l'arrière, on voyait comme beaucoup trop mes fesses. Fait que j'étais désagréable comme lutteur. Et ça a été filmé, cette affaire-là. Ça existe quelque part sur les internets. En Blu-ray, dans 6 mois. Mais moi, j'ai pas pensé à ça. Je me suis zéro trimé. Fait que... En plus, touf-touf le manitou. Touf-touf et pas lueur all over again. Mais en 2016, on peut dire ça maintenant. Oh oui, je m'étais pas trimé le bikini de gars. Fait que ça non, mais attends un peu. Débordait. Qui stream le bikini de gars, là? Moi, je... Taille la haie, là, sans tout, plus. Tout bon non, féministe taille l'arbuste ne taille pour pas que rien. Le tronc ait de l'air plus gros, mais... Non, ça, moi, c'est pour avoir de la pipe, là. Moi, c'est... taille la pipe, là. selon nos sources également, tu prends un malin plaisir à nommer tes chiens selon le prénom des amis proches. Oui, mes meilleurs amis, c'est comme un titre de noblesse. Fait que j'ai. Tu as beaucoup de chiens ou t'as pas beaucoup d'amis? C'est un joli mélange des deux. J'ai une chienne en ce moment qui s'appelle Justine Philly, c'est ma writer, c'est une de mes meilleures amies. J'avais un chien qui s'appelait Francis Papineau, qu'on a malheureusement euthanasié il y a 10 mois à cause de la dysplasie des hanches. C'est un pitbull. Qu'est-ce qui est arrivé avec le chien? On l'a tué. L'euthanasie, ouais, dis-moi. Puis ton ami, qu'est-ce qui est arrivé avec? Non, il va pas bien depuis ce temps-là. Non, mais c'est ça. Mais puis j'ai des chats. J'ai César Nicolas, puis j'ai Jean-Claude Roufael. Attends, c'est vrai, César Nicolas, ouais. Et Jean-Claude Roufael. T'as un ami qui s'appelle, ouais, César? Ouais, c'est un Français. Oh, ah, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait que tu associes un de tes amis spécifiques à un animal spécifique? C'est comme un type de noblesse. Tu trouves que ça ressemble? Non, c'est comme, c'est à ton tour d'avoir un animal à ton nom. Là. OK, c'est pas comme dans l'annonce de Fido, ce que genre la fille ressemble à son caniche. Non. Mais en même temps, il y a vraiment... Peut-être que c'est le cerveau qui fait ça, mais il y a des ressemblances à long terme, tu te rends compte, ça, c'est surtout vraiment drôle de taguer genre Francis Papineau, t'es encore chié dans le salon sur Facebook, là. C'est surtout ça qui est nice. Oh boy. Hey, là, selon nos sources, encore une fois. Les bonnes sources. On dévoilera nos sources hors honte, si tu veux. Apparemment que t'as la souche créative. Je sais. Même pas. Okay. Moi, ça l'était, mais ça. Parce que apparemment, t'as la souche créative assez développée. On irait même jusqu'à dire que t'as du Ricardo un peu en toi, ou t'aimes beaucoup faire des lunchs pour le monde, puis tu fais des pochettes surprises, apparemment. Ouais, je fais des paquets. Mais ça, je suggère ça à tout le monde qui reçoit à manger des gens à la maison. Ça te prend de la pâte philo, OK? Et c'est comme faire des baluchons. Des petits baluchons de chèvre, oh, ouais, c'est funny. Mais tu fais des baluchons. Avec là, canneberge puis du fromage. Oui, exactement. Ou tu peux en faire, mettons, avec des saucissons, puis un fromage, ou tu sais, un poulet, tu sais, bon, peu importe. Puis un fromage. Ouais, du pesto, machin. Mais à travers tout ça, tu peux en glisser des plus funky, puis tu mets tout ça sur la table, puis servez-vous. C'est pas qu'est-ce que tu vas prendre. Genre fromage et... Non, genre Smarties. Genre Smarties et... au poulet, là. Ouais, genre, là, tu viens de manger un comme ton brie et pesto, puis après ça, tu prends une Fruit Loops. Fait que, c'est, Coco Crunch et moche. Genre, ouais. C'est vrai. Ouais. Ça, de la ça c'est des très belles veillées, ça. Pop-Tarts effilochés. Ouais. Ah, mon J'aime bien Dieu. Faire ça. Fait que là, dans le fond, tu sais, si on prend toute cette énergie créative-là, Ton show, là, La saga des étoiles, tu résumes ça comment, dans le fond? Tu sais, oui, c'est 60 minutes, c'est Star Wars, etc., mais on s'attend à quoi quand on va voir ça? Ben, à passer un bon moment, à faire « Ah oui, c'est vrai! Ah oui, c'est vrai! Ah, il a fait comme ça, c'est normal de fun! » Un peu ça. C'est sûr, c'est pas un stand-up. Fait ultimement, c'est pas la même cadence de rire qu'un spectacle d'humour. Tu sais, c'est du théâtre d'objets, c'est du théâtre de marionnettes, mais reste que c'est un humoriste qui le fait. Moi, je brise le quatrième mur, puis je parle aux spectateurs pendant le show. Comme Cuffs avec Christian Slater. Hein? comme le film Cuffs avec Christian Slater. J'ai pas vu ça. Avec le chien, là. Oui, avec le chien qui pète à un moment donné. Je te le recommande fortement. Dans le film. Un genre de chien qui pète. Ça l'arrête là. C'est comme le film. C'est comme le singe qui fait du skate, mais un chien. Qui pète. Qui pète. En brisant le troisième mur. Ok, moi je vais voir. Quatrième, pardon. Il peut briser. C'est quoi le troisième? C'est celle à gauche. Non, non, mais t'as peu, là. Non, non, hey, t'as peu. Là, on vient de partir sur quelque chose. Okay. Le quatrième mur et on parle aux spectateurs. Le troisième, c'est comme en ce moment, tu sais, comme, mettons, toi, t'es un mur. Ici, c'est un mur. Ici, c'est un mur. Puis il y a comme un quatrième mur qui serait là. C'est la caméra. Mais fait qu'on va jamais le briser parce qu'on va jamais aller par la caméra. Fait que le troisième, c'est de parler nous autres, dans le fond, là. Non, mais. On s'en fout. Un, deux, trois, on s'en fout. C'est quel mur, quel. Quand il y a une caméra, ben, tu vas voir au moins trois murs. Dès qu'il y a une caméra, c'est le quatrième. Quand tu regardes la caméra, ça c'est le quatrième mur. Deadpool. Elle ne peut pas confondre avec la quatrième dimension. Wow, ta fille a adoré Deadpool. Parce que ma fille est devant. Je pense que j'ai eu un des premiers rires dans l'audience ever. Le pire, c'est que c'est vrai. C'était un comme. Ah, mais si tu parles de Deadpool, tu vas l'avoir, là, elle a vraiment aimé ça. Ouais. Fait que là, j'ai pas osé montrer Deadpool à mon fils de 8 ans encore. Ah, elle a 9 ans, qui est déjà plus vieille, capable d'en prendre. Anyway, elle connaît pas les références de Shia LaBeouf. Mais en même temps, oui, puis non, mais tu sais, je veux dire, c'est une fille d'humoriste, là. Il y a rien qu'elle a pas entendu à la maison, là. Moi, mon fils, il y a 3 ans, il l'a vu, mais il est très mature pour un gars de 3 ans. C'est vrai. Depuis qu'il a son premier téléphone puis son compte Snapchat, il est mature. Mais ma fille de 9 ans, c'est quand même la porte-parole du Minifest, qui d'ailleurs, j'en profite pour le plugger, qui est du 27 juin au 2 juillet au Medley Simple Malte. Plein de spectacles, 3 spectacles par soir pour vraiment pas cher. Avec plein d'humoristes excellents. D'ailleurs, je vais être là le 27 sur le mini gala avec plein d'autres humoristes. Tu vas faire un mini numéro, genre. Je fais un mini numéro de 8 minutes. Oh. Ouais. Ooh. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un petit. Je vais sûrement parler du fait que mon chien est raciste. Oh! C'est un pitbull. Je suis une filie à Jap, toujours après les noirs. On va sûrement en parler. Fait que là, tu disais, Saga des étoiles, c'est pas un stand-up conventionnel, c'est un théâtre d'objet. C'est du théâtre d'objet. Ça attire qui un spectacle comme ça exactement? Ben, outre les fans de Star Wars. Les curieux, les gens qui veulent voir quelque chose de différent, les gens qui sont tannés peut-être de voir du stand-up avec mon chum, ma blonde, puis je suis grosse. L'histoire de chauffeur de taxi. Ouais, tu sais. Quoique, en même temps, je me dissocie pas de ça, là. Je fais beaucoup de. Ouais. Oh, bon, Milter est en train de tuer stage de décor. Mais je fais beaucoup de ça, moi aussi, là, de parler de ma blonde, puis tout ça en stand-up, là. Mais je veux dire, c'est justement, ça va ailleurs. On essaie de faire d'autres choses. Puis je pense à. Les gens qui aiment le côté créatif, puis crafty de la patente, là. Parce que tout est fait à la main, là. Ça me fait penser un peu à un genre de Be Kind Rewind de l'humour. J'ai adoré ce film-là. Ouais, ouais. Je te dirais que ça, c'est une influence. Robot Chicken en est une autre. Wow. Puis moi, il y a un channel sur YouTube que c'est de la pornographie pour moi, là. C'est Cinefix. C-I-N-E-F-I-X. Okay. Et ils font des homemade movies où ce qu'ils refont des scènes de films. Un peu comme le Old Murder House Theater qu'il avait fait. Il avait refait Aliens on Ice. On en avait parlé. On en avait parlé dans un podcast. Ah ouais, ils refaisaient des films de sci-fi en spectacle sur glace. Ils ont fait RoboCop live. Que tu sais, la scène où ça zoom, ils ont genre fait un treillis avec des lacets de chaussures fluo. Puis ils l'avancent vers l'auditeur. C'était fou, là. C'était. Mais moi, c'est comment t'appelles ça, toi, ton channel? Homemade Movies ou Homemade Videos? Non, Homemade Movies. Ouais, c'est ça. Ils font des comparaisons. En fait, c'est qu'ils refont, mettons, on filmerait dans ta cuisine, on referait toute une scène, mettons, le quand ils blow le Death Star, ou des fois, ils refont ils refont tout le teaser de, mettons, Iron Man 3. Ils ont refait Deadpool, je suis en train de le regarder en ce moment. Ils le mettent en diagonale, en comparaison. Fait que tu peux voir les deux en même temps, le vrai et le faux, puis toute la musique est faite avec des bouches, puis tout ça, puis au départ, moi, c'est ça que je voulais aussi. Pour la saga des étoiles. C'est Cinefix, là. Oui, c'est Cinefix. Au début, pour la saga des étoiles, je voulais que ce soit un groupe de musiciens a cappella qui fasse comme toute la musique live à Bien Jedi. Avec Detox, là, genre? Non, à Bien Jedi, là, tu sais, avec. Oh, ouais, ça aurait été malade, mais je les avais approchés, mais ils ont comme tellement de shows pendant le festival qu'ils n'étaient pas disponibles. J'aurais vraiment aimé ça, faire ça. Ça aurait été encore plus comme crafty, genre. Mais, tu sais, il y a plein de trucs super longs à faire dans ce show-là, comme, tu sais, l'ouverture avec les lettres, tu sais, puis ça, il a fallu comme les écrire au complet. Ah wow. Ouais, il y a plein de. Mais il doit avoir du production value en arrière de ça, parce qu'honnêtement, tu sais, moi, ça m'a frappé quand t'as dit 3 ans, ça me surprend pas. Mais le fait de condenser tout ça, chaque scène, chaque affaire que t'as dû faire là, et c'est débile. Puis comment tu t'y prends pour créer une immersion. Tu sais, là, t'as des gens dans une salle. Toi, t'es devant sur un stage. T'as une marionnette de je sais pas de quelle grandeur. T'as un pied de haut, à peu près. Fait que, comment tu t'y prends pour que même le gars en arrière de la salle, il ait la même immersion que le gars devant, puis... Ben, tu sais, souvent, je vais jeter des... Souvent, le théâtre de marionnette, on veut pas voir le marionnettiste. Le marionnettiste, c'est le plus effacé possible. Tu sais, moi, je fais pas ça dans le sens où que moi, je fais des regards complices au public, je décroche... À la t'es limite, le quatrième mur. Ouais, à la limite, si j'ai un bonhomme qui tombe, je suis content parce que je me mets à niaiser, genre, hey, suis ton texte, puis le monde trouve ça drôle. Puis à la limite, les bugs, j'en veux, tu sais. Ça devient comme, ça montre la vulnérabilité du show, puis le côté unique. Ça donne place à l'impro aussi, oui. Que le monde aime tant. Ben, le monde aime ça. Des shows d'humour, en tout cas, le mais monde. Que, mais ça, ils stage des blancs ou ils stage des bugs. C'est pas des vrais, juste pour que le monde capote. Ben, si on prend juste le succès de Brou au fil des années, les gens allaient voir Brou initialement pour le texte, mais après ça, les gens allaient voir Brou pour les imprévus, les mauvais coups qui se faisaient, puis les couilles qui arrivaient sur le stage. Exactement. Pas exactement. Des couilles littéraires, là, mais des mauvais coups. Là. Des testicules qui tombaient du plafond. Là, certainement. Ça arrivait full. C'est mon meilleur bout du show quand j'ai vu. Mais là, parlons du ZooFest dans un sens un peu plus large. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas c'est quoi le ZooFest. ZooFest, c'est... Il y en a qui vont dire c'est un mini juste pour rire. Il y en a qui vont dire un paquet d'affaires. Off, juste pour rire. Explique-nous, selon toi, l'ayant vécu 7 ans, je crois. Oui, c'est ma 7e année. J'étais pas là l'année passée. C'est le seul ZooFest que j'ai manqué. C'est le seul volé tasse-pot par Denis Talbot? Non! Le gars, il essaye de faire du hate. Non. Non, non. L'année passée, j'avais pas le temps. J'avais beaucoup d'autres projets. Fait que ça a pas donné. Mais ZooFest, c'est l'espèce de d'entre-deux, je te dirais. Parce que juste pour rire, les gens veulent voir des vedettes. Ouais. C'est du gros nom, c'est glamour, c'est big, tu sais. Puis, il y a eu quelque chose qui s'est venu une couple d'années qui s'appelait En route vers mon premier gala, juste pour rire, qui a montré à tout le monde au Québec, « Hey, regarde, il y en a d'autres qui sont drôles. Pas juste les gros noms que tu connais. Il n'y a pas juste Mario Jean, tu sais. » Puis, t'en as même qui ont le préféré à Jonathan. Il y a le préféré à Jonathan aussi. Non, moi je suis un gros fan de Peter McLeod. Peter McLeod? À radio, surtout. Ah oui? Il t'enligne des jokes misogyne, sexiste, toutes mes affaires préférées, là. Oh, ouais. La dernière fois, c'est il m'a même expliqué comment élever mes enfants. Tu sais, le gars qui a juste 3 chiens. Ouais. C'était écœurant. je trippe sur ce gars-là. Mais mis à part Peter McLeod. En route, juste un petit shout-out en route, Julien Bernatchez, le meilleur perdant dans En route vers mon premier gala. Effectivement, mais Julien Bernatchez est tellement un gagnant tant qu'à moi dans ce qu'il fait, dans son univers. Sa joke de mamelon, là, quand il a juste mis tout ça mal à l'aise. Mais les gens, ils sont pas prêts à vivre Julien Bernatchez. Parfait, là. Commence avec le suivre presque parfait, on voit que... Puis il me disait... Les précurseurs. Il me disait, à Cap Montréal, qu'il a été déçu. Qu'il n'y ait pas plus de hate que ça par rapport à RSP presque parfait. Ouais, mais c'est parce que c'était tous ses fans qui l'écoutaient. Non, mais il y a eu beaucoup de commentaires. Il disait, tu sais, j'ai eu beaucoup. Ces mots, c'était. J'ai eu plein de commentaires de ma tante qui me trouvait drôle, puis qui trouvait ça drôle ce que je faisais, puis qui aimait ça. Il est attachant, Julien. Il y a quelque chose que, même si tu le trouves weird, il est attachant parce que. Il n'y a pas de malice. Non, jamais. Jamais. Il est full fun. Tu sais, c'est con à dire, mais je tisse beaucoup de liens entre Julien Bernatchez et Murphy Cooper. Murphy Cooper qui va avoir... Non, moi, je ne fais pas ces liens-là. Laissez-le finir. Attendez un instant. Où... Non! Où le personnage de Murphy est beaucoup trop engagé, beaucoup trop... J'essaie de passer des officiellement messages. Officiellement queer, en passant. Officiellement queer, peu importe. Officieusement. Et Julien qui est juste... Ben moi, je suis perdu. Julien, c'est comme s'il n'est pas au courant de toutes ces tendances-là. Mais le personnage est tellement pas si loin du vrai dos non plus. Certainement. Ouais, mais c'est pas ça, si loin. C'est, ça. Que c'est pour ça que c'est un gars tellement attachant. Puis c'est ça qui est le fun là-dedans. Ouais. Fait que là, tu parlais en mais bref, c'est ça. ZooFest existe probablement. C'est dans les retombées d'En route vers mon premier gala où est-ce que les gens ont commencé à faire « Hey, moi, je veux venir. » Puis il y a eu un boom, je te dirais. Dans le tournant des années 2010... il y a eu un boom, les soirées d'humour, là, il y avait du monde comme ça avait pas de bon sens. Il y en avait une puis une autre, soirée d'humour à Montréal. Et là, on est comme en train de perdre tout ça, ça drop, là. Là, les soirées d'humour en arrache, il y en a plein qui ferment. Ouais, on a de la misère. Moi, j'anime au plan de match, là, les lundis, puis j'ai de la misère à voir ce que on a, ce qu'il y a déjà c'est eu. La moitié de ce qu'on a déjà eu, c'est super dur. Tu sais, j'ai animé aussi à Saint-Lazare, c'était dur. Mais le monde... Saint-Lazare, ça a déjà été un gros monde. Étienne Danneau a été là longtemps. Mais c'est Étienne Danneau, après ça a été Martin Vachon, après ça, là, c'était moi, puis on avait... Écoute, on a déjà fait un show devant 57 personnes, là. Il peut y avoir 500 personnes quasiment, là. 400 faciles, là, à Saint-Lazare. C'est dur, là. Les gens sortent plus. Mais quand il n'y a pas en route en même temps... Tu sais, en route, c'est comme une grosse pub pour dire « je vais aller le voir ». Il peut plus avoir en route à ma TV, ils se sont fait taper dessus par la CRTC. Pour c'était comme trop de grosses productions pour une télé communautaire. Là. Ah, c'est ouais, ça, c'est ah, ouais. Ça. Ah, ils se sont fait taper dessus par la CRTC, tu sais. Mais la, ma TV, il y avait bien du bon stock. Ben oui, mais il y avait les mercredis juste pour rire. Puis t'avais en route vers mon premier gala juste pour rire, puis quand il filmait en route, il mettait le bout avec les juges, mais il mettait juste 3 minutes de ton number. Mais tu faisais un 8, fait qu'il faisait une autre émission qui s'appelait Audition juste pour rire, où il mettait ton 8 au complet. Ouais. Il canait deux shows en un. Fait que t'avais 3 émissions d'humour comme ça à ma TV. Puis après ça, à Canal D, après ça, ça a été à V, t'avais Comedy Club. Mais là, Comedy Club est rendu à Unique, puis personne n'écoute. Puis en route, ça revient, mais ça revient web, illico, puis tout ça, c'est cool, mais c'est pas ce que c'était avant. Que pendant ce temps-là, sur TVA, il y a tellement du bon contenu en plus que ça devrait pas pu avoir en passé. En gros, c'est la faute du CRTC. Ben oui, puis non, c'est normal, c'est correct qu'est-ce qu'ont fait la CRTC. Moi, je comprends pourquoi. C'est pas fait pour ça, ma TV, je comprends. Mais en même temps, tu sais, qui voudrait en route vers mon premier gala juste pour rire? Moi. C'est TVA le principal. Moi, je l'écoutais. Diffuseur des galas, mais là, à TVA, où est-ce que tu vas mettre ça? Mais c'est nos mêmes là. TVA Sport 2, là. Il y a, de la place pour du contenu. Mais on le sent que ça drop. J'ai comme l'impression qu'au tournant des années 2010, c'était le Golden Age, la relève, puis là, on le sent que ça drop. Je sais pas. Mais il y a ZooFest, où est-ce que c'est vraiment l'endroit où est-ce que tu peux aller voir? Qu'est-ce qui est... C'est une pépinière de talent. Il y a tellement de choses différentes. Puis il y a les choses champ gauche. Il y a tellement d'affaires différentes dans le programme. Ben c'est l'idéal, moi, je pense. Puis moi, j'ai été l'année passée au ZooFest. Puis j'ai suivi aussi quelques-uns, dont le show de Denis Talbot. Tu sais. Ouais. C'est le fun. Moi, je suis pas un fan du mot classique. Là. Ouais. Tu sais, comme je sens les Mario Jean et compagnie. Non, c'est rare ça. Que je trouve ça drôle. Tu sais, mais ça s'adresse à des facile, gens plus boomer. C'est ça. Ils ont leur public cible, puis c'est correct que je respecte ça. Mais ce qui est le fun avec le ZooFest, c'est que chacun peut trouver son compte. Puis en plus, au prix que ça coûte, tu peux t'acheter des passes pour cher. Puis tu vas découvrir seulement, tu sais, à la limite. Tu sais, un gala, là, ça peut être long. Là. Fait que si t'aimes pas ça, puis t'es pogné pendant 2-3 heures dans un gros gala avec toute la palette. Tu vas trouver ça pénible. Ça va te coûter un menton aussi, aller voir un gala. Si t'as un ZooFest, souvent, tu sais, tu vas aller, mettons, une fin de semaine, là, t'as plein de shows d'une heure ou de 45 minutes, tu sais, t'es suivi, puis tu peux aller. Tes shows sont 20, 25, 29 $ max, là, tu sais. C'est pas cher, là, pour. Puis la ZooPass, c'est tellement pas cher. Mais la ZOOF, maintenant, ça s'appelle une ZOOF, là. Ouh. Ta passe, et on changeait le comment est-ce que ça fonctionne, la passe. Parce que souvent, le monde s'achète une ZooPass. Mais il était pas capable de rentrer dans les shows qu'il voulait. Fait qu'à cette heure, avec la ZOOF de base, tu peux te shotgunner 3 billets du show que tu veux. C'est assuré que tu peux l'avoir, tu sais. Fait que, il y a comme, ils ont vraiment, ils écoutent leur clientèle, ils essaient de changer les affaires. C'est vraiment un festival cool pour ça, pour c'est découvrir. C'est un festival en marge, mais qui mérite d'être connu dans le fond. C'est parce ça. Que, il y a beaucoup de gens où, on les a peut-être vus dans leur parcours dans route, on les a peut-être vus dans des shows justement au bordel, au, tu sais, dans des endroits comme ça. Mais que on verrait pas nécessairement dans le festival Juste pour rire en tant que tel, non, pour ça. L'instant. Mais d'un autre côté aussi, c'est cette latitude au ZooFest qui vous permet de faire des affaires carrément à côté. Puis c'est du contenu qu'on verrait pas ailleurs. Puis souvent, on le fait c'est pour la gloire, cool, là. On le fait pour le fun, puis pour le trip de le faire. Ça fait juste endurcir la relation entre c'est le fan puis toi, dans ouais, le sens ça, que il fait comme lui, il catch. Que hey, un gars comme Charles Beauchesne, l'année passée, là, il présentait un show. Là, lui, je l'adore. Charles Beauchesne parle de la peste noire pendant 60 minutes. Et pendant 60 minutes, c'était une conférence sur la peste noire qu'il y a eu au Moyen-Âge, mais avec des gags, là. Pendant 60 minutes, c'était des diapos, puis ce gars-là nous parlait de la peste noire. Tu parlais que ça existe encore en Inde? Je sais pas. Ça, je pense pas, non. Je me suis mais pas c'est méchant, c'est mais c'était écœurant, mais il a pas vu le show, là. Il a pas rien que ça à faire, regardez ça. C'était malade, tu sais. Moi, j'adore Charles. Ce genre de choses-là. Je le suis sur Facebook, là, puis son humour, là, il... Puis pour les gens qui vont aller au ZooFest cette année, bien sûr, on va voir la saga des étoiles, mais y a-tu un show que tu voudrais nous suggérer d'aller expérimenter ou un humoriste? À part le tien. Que tu dis, tu sais, justement, regarde, lui, je le connais. Les gens qui aiment mon style d'humour, allez voir ce gars-là, vous allez triper. Ben, en fait, ce que je fais dans la saga des étoiles, c'est pas non plus ce que je fais en stand-up, là. C'est deux trucs différents, là. Moi, je vous dirais d'aller voir un gars qui s'appelle Guillaume Pinault. Oui. Qui est vraiment là, à surveiller. C'est un... Il fait un show qui s'appelle La dernière heure de ma blonde. Okay. Où est-ce que lui, tu sais, il faisait beaucoup d'anecdotes de l'autre fois, ma blonde, nanana, ma blonde. Puis là, ils se sont séparés après, je pense, quasiment comme 12 ans de vie commune. Oh. Fait que là, il a ramassé toutes les anecdotes sur cette fille-là. Et c'est la dernière fois qu'il va le faire. Il va faire une heure de jokes sur sa blonde, puis après ça, il refera plus fait jamais. Fait que c'est un peu une exutoire, dans le fond, mais comme one shot. Et en même temps, il présente aussi son 60 minutes. Fait qu'il y a comme 2 heures de matériel, là, littéralement, les 2 shows complets qui vont rouler de front pendant le festival. Wow. Ce gars-là, puis il est bon, là. Puis il anime tous les jeudis au brouhaha. C'est vraiment une machine. Moi, je n'ai que d'admiration pour ce gars-là. Je vous dirais, ça, c'est vraiment un immanquable. Sinon, c'est sûr, t'as Catherine Levac, t'as Rosalie Vaillancourt, t'as beaucoup de monde dans le festival aussi qui ont des trucs. Charles et Maude s'en mêlent. Charles Beauchesne et Maude Landry font chacun 30 minutes. Maude Landry, qui est aussi une autre Christie de bonne humoriste à surveiller avec un bel univers. Vite de même, c'est ça qui me pop. Fait que j'imagine que ça doit être ça que je te suggère, mais il y en a tellement plein d'autres, des shows, là. La programmation, c'est à regarder. Puis en plus, en même temps, si t'as ta passe, c'est aussi le Off Just for Laugh, le ZooFest. Puis dans le Off Just for Laugh, là, t'as des gens géniaux qui viennent. Il y a quelques années, c'était Jim Jefferies qui venait faire Alcohol Holocaust là, au Théâtre Sainte-Catherine. Fait que si tu suis le stand-up en anglais, puis tu regardes la distribution, elle est débile aussi. Là. Mais le stand-up en anglais, en général, au Juste pour rire, c'est ça, pas rapport à comment c'est débile. Là, ouais. Oh oui, je regarde, à chaque année, je suis comme, il book, personnellement, mon expérience avec le stand-up anglophone à Juste pour rire, c'est, on book des gros artistes dans des petites salles. Ouais. Fait que c'est sold out, sûr. Tout le temps, sont tout le temps sold out. Mais ils ont leur gala. Je voulais voir Chris Hardwick l'année passée, sold out en moins de, je pense, c'est 5 heures. Je suis comme, what the fuck? Carrie Fisher anime un gala for Laugh cette année. Moi, j'ai comme, oh yeah, je vais essayer de têter. Moi, je vais m'arranger. Tout vendu, bang. Ouais, je vais m'arranger pour avoir. Ça va être sûrement à jeun. C'était quoi déjà qu'elle avait dit? Elle avait dit, vous êtes sûrement ici parce que vous connaissez Star Wars, sinon, je sais pas qu'est-ce que vous crissez ici. Elle start son show de même. Tu sais, ça, c'est quand même. C'est vrai. Ouais. En même temps, c'est Carrie Fisher. Elle dit ce qu'elle veut. Là. Écoute, c'est mon exploration sexuelle d'adolescent. Là, le kit de Slave Leia. On s'en fout qu'est-ce qu'elle dit. On veut juste voir. Non, mais elle est belle, cette femme-là. Puis elle est élégante, même dans l'épisode 17. Même tout le temps. Tu as trouvé que cette femme-là est d'une élégance incroyable. Elle fait des entrevues weird. C'est pour ça qu'elle est élégante. C'est pour ça que je l'aime. Ouais, je l'adore. Moi. Carrie Fisher dans 30 Rock. Je sais pas si j'ai pas suivi, Rock, malheureusement. Je sais que j'aime ça, mais non. Elle jouait une vieille écrivaine qui vit à côté d'une traque de métro dans Manhattan Northeast, genre. Puis c'est très écœurant. Ah, c'est bon, ça. Jay! Oui. La saga des étoiles. Oui. Les 7, 8, 14, 15, 18 et 19 juillet à 19h au Monument National. Ouais. C'est les billets sont en vente présentement. Oui, sur zoofest.com. Et comme je vous ai dit, c'est ça, ils vont bientôt être en promo. Et c'est général, c'est pas... C'est, fait que, mais idéalement, 13 ans et plus, parce qu'il y a un peu de porn. Ooh. Dans le show. Mais tantôt, on parlait de ça, justement. Porn. Le porn, tu l'évalues PG-13. Avez-vous vu Team America, ce genre de porn-là? Donc, du porn Team America. Oh, ouais. On peut se procurer les billets ou la Zoo Pass pour aller bénéficier du festival. La Zouf, pardon. Oui. Pour aller bénéficier du festival. Sinon, écoute, je veux parler d'un autre truc. Je peux-tu? J'ai-tu le droit? Hey, t'as le droit de faire ce que tu veux. Il va avoir... Ah, pour vrai? Ouais. Vraiment, fallait que tu imites l'éléphant qui crache de l'eau. Attends, de toutes les affaires... C'était comme l'éléphant. L'imitation de Dumbo. My God. Toutes les affaires, c'est ça que je voulais faire. Est-ce que t'as bu de l'alcool accidentellement sur des baleines, des éléphants roses? J'ai bu 2 paps, genre, je suis comme fou raide, là. Mais non, mais je vais animer, pendant le festival, juste pour rire, je vais animer le petit cabaret d'humour. Oh. Et ça, c'est au Complexe des Jardins. Puis là, je tiens à en parler parce que j'ai fait beaucoup de formations, moi, au printemps, dans le bout de Toronto, auprès des Franco-Ontariens. Un concours qui s'appelait le concours LOL. Shout-out aux Franco-Ontariens. Yeah! J'adorais ça. C'était... j'ai fait à Cornwall aussi. Je me suis promené un peu en Ontario. Et en gros, c'est comme un secondaire en spectacle version stand-up en collaboration avec Juste pour rire. Et moi, j'allais donner de la formation là-bas aux jeunes. Et ils ont tellement de talent, là. Et il y a eu quelques concours dans ce genre-là aussi qui sont passés de la formation à travers le Québec. Et là, moi, je vais animer les galas où est-ce que ces jeunes-là qui ont gagné viennent jouer à la place des festivals pendant le plus gros festival d'humour au monde. Ils sont fous comme la merde, ces jeunes-là. Puis en plus, je vais les re-rencontrer pendant le mois de juin pour faire la formation avec eux autres, pour les préparer pour le show. Fait que je vous invite à venir encourager cette relève de la relève-là. C'est tellement beau de voir un jeune de comme 15, 16, 17 ans, genre... se déshabiller. Non, se pitcher là-dedans tête première, puis les voir sortir de scène quand ils se sont fait applaudir, ils ont vécu comme un rêve, le « Hey, je suis capable de faire ça », cette espèce de magie-là que moi, à un moment donné, j'ai eu dans ma vie, puis que j'ai fait comme « Wow, c'est ça que je veux faire forever », de les voir vivre cette espèce de petit moment-là, c'est tellement cool, là. Puis comme dirait Eric, les voir figurer qui vont parler de ça, oui, c'est exactement c'est, comme c'est, ça. C'est magique, là. Mais c'est ça. C'est, oui. En tout cas, qu'est-ce que t'as passé de nos petits Français, Canadiens, Anglais? Moi, je les ai adorés. J'ai vraiment eu du fun à jaser avec eux autres. Puis c'est drôle à quel point on n'a pas nécessairement tout le temps les mêmes référents au niveau des mots, là. Ouais, non, mais c'est comme j'explique à Sonic, quand t'es franco-ontarien, t'es carrément un Anglais-Français, là. C'est oui. Weird. C'est difficile à expliquer. T'es fier d'être Français, mais t'es aussi confortable d'être Anglais. Moi, j'aime les gens qui me jasaient de ça, puis j'ai dit, tu sais, si tu veux faire ça, pour vrai, je pense, malheureusement, il va falloir que tu bouges au Québec, tu sais, si tu veux avoir une carrière comme pour ça. Pour le français, puis, oui. Ouais. Ouais. Puis il a fait, tu sais quoi, j'aurais comme le goût d'essayer de partir de quoi ici. Il y en a plein qui... Ouais, j'étais comme, wow! Tu leur dis de faire ça, c'est bien ça. C'est, j'aime entendre ça. Ben, qu'il l'ait dit que ça vienne de lui, parce que moi, au départ, j'étais comme... C'est pas ça que j'ai dit au début. J'ai dit, tu sais, si tu veux vivre de ça, je pense que malheureusement, il faudrait que tu bouges au Québec. Ou que t'achètes montréalien.com. Pis... Ah, le tabarnak, il y a ce petit nom-là. Est-ce qu'il y avait de l'amertume dans ta face? Mais c'est quand t'es français canadien puis t'es dans l'Ontario puis t'as quoi que ce soit comme rêve de percer dans ta langue, ouais. C'est la Mecque, c'est le Québec, tu le vois de loin. Moi, je viens du fin fond du nord Ontario puis j'ai abouti ici avec mes propres ambitions puis la ville me mangeait comme que je voudrais, mais j'aurais pas changé. Comme tu voulais. Oui, exact. Tu vois, j'ai trimé les tantôt. Quoi, Hochelaga, Ontario, comme qu'il voulait. Pas comme je l'aurais pensé, mais je changerais jamais ma décision. Mais c'est ça que c'est, là. J'ai des histoires ouais. De personnes, que ce soit des artistes, que ce soit des musiciens qui viennent ici. Tu as toujours ça. J'ai un des amis de mon père, il a l'histoire classique, puis c'est un gars dans une band, puis qui faisait des cover bands quand il était ado, dans les 70, puis après ça, il voulait percer dans le marché français, dans le temps de Offenbach, des affaires comme ça. Puis il a essayé de percer au Québec, puis il y avait bien des barrières difficiles. C'est dommage. En Ontario. Ouais. Puis il a dû retourner après ça à Toronto pour faire le circuit anglais, parce qu'il y a des barrières weird. Mais moi, c'est vraiment dommage, parce que Noir Désir, ça aurait performé super bien au Québec. Ouais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que seulement j'aime il entendre pas cette sa femme jusqu'à mourir. Ouais, mais j'aime entendre l'histoire qui dit là, qui va voir ça. Parce que nous autres, c'est ouais. Ça. Moi, à une école française à Vanier, à Ottawa, là, on se faisait former en impro. Je me suis fait enseigner le jeu d'impro comme en 90. Puis c'était une Québécoise humoriste de qu'est-ce qui était peut-être la relève dans le temps, mais je m'ai toujours rappelé, c'était une belle fille de Montréal. Lise Dion. Mais la relève de 90, c'est encore la relève de 2016. J'étais en train de parler du cœur, tabarnak. Mais on te dit la sauce. mais j'aime entendre ton histoire d'aller faire les rondes, des affaires comme ça, puis de faire ça, parce que en Ontario, les Français sont fiers de l'être. Ils ont de la misère là-bas. C'est ça, j'ai remarqué, comme tu sais, l'année passée, j'ai fait le rendez-vous de la francophonie, fait que juste pour rire, on a fait trois semaines, c'est un mois et demi, on est allé dans toutes les provinces faire des shows en français, tu sais, même on est allé jusqu'à Nanaimo sur l'île de Victoria là. Puis quand tu rencontres des franco-manitobains qui sont comme super fiers, c'est probablement une des plus grosses communautés francophones hors Québec là. À part de l'Ontario. Ouais, je sais pas laquelle des deux est la plus grosse. C'est l'Ontario. C'est 400 à 1000 en Ontario. Mais les gens là-bas, c'est ce qu'ils me disaient, c'est on vous aime le Québec, mais en même temps, vous nous faites un peu chier. Parce que c'est comme le monopole du fait français au Canada dans votre tête. Mais nous ici, là, avez-vous idée comment est-ce qu'on se bat pour parler français, mettons, à Saint-Boniface ou c'est toujours ça que je dis, pas pour rentrer dans la politique. Vous autres, vous grimpez dans les rideaux, la loi 101, le style français, dans un an, parce qu'il y a une affaire en anglais. Nous autres, t'as-tu idée comment est-ce qu'on se bat, tu sais, fait que, puis vous nous reconnaissez jamais, puis nous, on est des Canadiens, puis on est. Mon secondaire, là, c'est ça là, qu'ils ont fait. Là, comme ils ont dû faire des sit-ins pendant trois jours juste pour avoir le premier secondaire français en Ontario. C'est ça. Le secondaire André Laurando, on se parlait au début. Là, ce secondaire-là, au début des années 70, c'était le premier secondaire français hors du Québec, puis c'était un esti de combat, puis ça c'est juste tout à cause de la Révolution tranquille. Révolution tranquille, ça part, les Français sont fiers hors du Québec, puis on fait toute notre affaire, puis après ça la crise d'indépendance arrive, puis je veux pas m'embarquer dans cette discussion là. Fucking Duplessis, man. Non mais je veux pas m'embarquer dans cette discussion là, mais là après ça la crise d'indépendance fait, puis on dirait qu'il y a une ligne qui s'est formée pour les le méchants, français. Les gentils, puis c'est de puis là nous autres on est là, puis on est comme Patrice Desbiens le dit mieux là, on est l'homme invisible, the invisible man, puis on comprend pas notre identité, puis on la cherche sans arrêt. Puis d'un côté, on a notre mère qu'on aime, de l'autre côté, on a notre père qu'on aime, puis c'est... Ah, c'est super déchirant. Bref, c'est super cool d'aller rencontrer ces gens-là. Puis là, ces jeunes-là, il y en a plein qui viennent à Montréal jouer. Puis c'est ça, dans le fond, que je voulais dire, que venez les voir. Il y a aussi des jeunes Québécois, là, tu sais. Il y en a aussi. Les gentils. Il y en a aussi qui arrivent, puis qui font un cours de nuit dans un cours d'écriture à l'École nationale, puis ils se font dire que ça sert à rien, puis de t'en aller, là. Mon Dieu, ça sent... on roule plein Eric, de plaies. Éric, expérience personnelle. Éric, il va plaire. Éric, je te demanderais de t'abstenir de parler pour le reste de l'émission. Sur le tapis d'en fière français canadien. Non, mais en gros, fait que dans le fond, il y a beaucoup de relèves. Il y a beaucoup de gens qui vont arriver avec un humour peut-être un peu moins maîtrisé au Québec. Des gens qui arrivent de l'Ontario avec un background culturel assez épanoui aussi. Toi, la chance d'animer ça, là. Moi, j'ai vraiment la chance d'animer ça puis de d'être avec ces jeunes-là. Puis moi, je trouve ça tellement cool. C'est pour ça que je coach encore de l'impro aussi, parce que j'aime tellement ce que je fais dans la vie, puis je trouve ça tellement cool de transmettre cette passion-là. Un kid qui a 17 ans qui arrive au cégep, puis il fait « Ah, moi, je vais faire de l'impro, je l'ai fait au secondaire dans un an, puis que je peux voir qu'est-ce qu'il aime. » Puis tu sais, souvent, ils se font... C'est niaiseux, là. Le encore guider. En 2016, ils se font dire « Ah non, c'est pas un vrai job, ça, être humoriste ou être comédien ou ces affaires-là. Devrait être médecin, va-t'en en science. » Pogne un backup, pareil. Le nombre de jeunes que depuis 2009 que je suis là, que j'ai croisé comme ça, puis que je fais « Hey, moi, j'ai eu mon premier kid, j'avais 18 ans. » J'ai eu un deuxième enfant à même pas 23 ans. J'ai lâché l'université pour aller faire l'école de l'humour après avoir eu deux enfants. Ben, j'ai fait « Hey Chris, c'est pas ça que je veux faire dans la vie. Là. Je suis aussi bien de faire ce que je veux faire, puis c'est tout. » Puis je suis comme la preuve que ça se peut par rapport à eux autres qui se font dire. Fait que ça les mindfuck, mais en même temps, je suis comme content que ça les mindfuck. Puis qu'ils essayent au moins, tu sais, pas avoir de regrets. Fait que je trouve ça tellement cool de transmettre le... la passion que moi j'ai à d'autres mondes, puis de les voir triper comme moi j'ai trippé au début. Puis c'est important l'humour dans une société, c'est important de pouvoir rire de soi-même, c'est important. C'est important de rire de soi-même, c'est important de rire un peu de ce qui nous entoure, puis c'est important de prendre le temps aussi de juste décrocher. Puis ça l'aide à rire de l'autorité, surtout des fois aussi côté puis ça va social, aider là. À mettre des choses en place, à comprendre des choses. Fait que tu sais, c'est sûr que d'un point de vue purement capitaliste, financier, il y a beaucoup de gens qui vont dénigrer le métier, mais d'un autre côté, je trouve que dans notre société de nos jours, c'est pas facile pour les humoristes d'être là. C'est difficile d'avoir, comment je peux dire ça, la reconnaissance nécessaire. Mais d'un autre côté, les humoristes, c'est quelque chose qui est crucial à notre société. C'est des gens qui vont remettre les choses en perspective, qui vont nous aider à se re-questionner. On est des chroniqueurs, sociologues un peu. Carrément. C'est l'affaire la plus importante pour moi. Distorsion de la réalité. Puis à la limite, là, même si on n'a pas... Même les humoristes les moins... Je veux pas dire ça parce que pour moi, ils sont tous pertinents, mais les moins pertinents, mettons, comme vous disiez tantôt, tu sais, vous nommiez, mettons, des humoristes plus « boomer », entre guillemets. Des gens qui font plus peut-être parler de la pluie, le beau temps, qui vont peut-être moins être flashés, mais reste que ces gens-là, tu peux pas leur enlever le fait qu'ils font passer un bon moment à des gens dans une soirée. Absolument. Puis le nombre de personnes qui viennent nous voir des fois après les shows qui font « Hey, tu m'as tellement fait du bien, là. » Puis on a juste fait des jokes de caca ou whatever, là, tu sais, on réinvente pas. Cheers aux jokes de caca. Mais il y a des gens qui en ont besoin. Oui, et puis ça lui ça fait du bien, tu sais, à la limite, ne serait-ce que juste pour faire rire les gens, je pense que... Et Dieu sait que tout le monde mange, tout le monde chie, tout le monde faut. Ah ouais. À un moment dans leur vie. Donc, c'est... Il y a pas de pertinence à l'humour. Non, puis moi, c'est pertinent, des fois, plus c'est drôle, tu sais. Exactement, puis chaque niveau d'humour est nécessaire dans une société. Jay, merci. Plaisir, merci. Alors, merci. On finit vraiment ça sur une espèce de... T'sais, on c'est comme sérieux, genre. J'essaie de donner une crédibilité au show, mais en réalité, non, mais c'est vrai, c'est qu'on a eu la chance au collectif de t'avoir premièrement deux fois avec nous. Ah, merci, Zéphir. On a eu la chance d'avoir un paquet d'invités avec des backgrounds culturels différents. Puis ce qui est cool, c'est que t'es passionné par ce que tu fais, puis ça paraît. Carrément, t'aimes ce que tu fais, t'en resplendis. Tu sais, regarde, ta fille, on a parlé d'un paquet de trucs... Puis elle est aucunement surpris, elle est totalement lucide, elle est là, elle comprend les choses. Mais tu partages ta passion avec nous, puis c'est ça le but du collectif initialement. Puis merci d'être venu le faire, non seulement une première fois, mais une deuxième fois avec nous. Puis ça, c'est vraiment cool. On va devoir malheureusement terminer le show ensemble ce soir. Donc, c'est le bout de la shameless plug. Faut qu'on malheureusement termine ça ensemble. Parce que non, mais en fait, c'est malheureusement terminé, virgule. Il y a quelqu'un qui est parti déjà avant la fin du show. Mais point virgule. C'est ce le soir. Moment de la shameless plug. Oh. Donc, Jay, oui. Les gens qui voudraient te suivre, interagir avec toi, on fait ça comment? Avant que tu fasses tes plugs, j'ai une demande de quelqu'un sur Snapchat qui dit qu'il faut que tu plugues ton Snapchat. Parce que quand que tu es sur Snapchat, il paraît que tu es très intéressant à suivre. Ah ouais? C'est je peux te le montrer tantôt, j'ai eu exactement cette requête-là. J'ai eu une autre question. Le feedback sur Snapchat, on le reçoit pas aussi facilement, mais le lurking sur Snapchat, c'est bien là. Mais moi, c'est ma fille, de 14 ans qui me donne des cours de Snapchat. C'est parce ta social media manager, là. Oui, c'est elle. Oui, c'est elle. La communauté. T'es carrément pour ça, comme, là, tu peux mettre un fil, tu tiens ton doigt, puis je comme, ah, ça va pas. Moi, je suis comme un petit tu peux déduire ça de tes impôts comme dépense que tu dis que tu payes ta fille comme. Ça serait drôle, ça. C'est du consulting. Mais toutes mes, tu sais, j'ai, mon Facebook, mon Twitter, mon Instagram, mon Snapchat, mon Vine et mon Tumblr que je m'en colisse puis j'y vais jamais. C'est toute la même affaire, c'est Jérémy Larouche collé. @ Jérémy Larouche, JEREMIELLROUCHE. Vous pouvez pas le tromper, il y a un petit crochet bleu sur Facebook, le chanceux. Ah bah oui, j'ai un petit crochet bleu. C'est pas facile d'avoir un petit crochet bleu. Il est trop big pour nous autres. Comment est-ce qu'on l'a fait? T'as juste besoin de numériser ton permis de conduire et l'envoyer à Facebook. Écoute, on l'a fait, nous autres. Au nombre de fois, je l'ai fait pour prouver que j'étais pas un faux compte. Si, il aurait pu me donner mon crochet bleu. Moi, j'ai exceptionnellement aimé le courriel qui disait, ben écoute, c'est pas écrit Geek Collectif, le podcast, c'est ton permis de conduire. No shit, Sherlock. Ah ouais? Ah ben voilà. Moi, j'ai réussi. Donc, Jérémy Larouche en un mot. Oui. Okay. Sur Instagram, beaucoup Instagram, j'aime vraiment ça. Snapchat maintenant plus, Twitter, Facebook, Jérémy Larouche aussi, mais IELRUCHE. Voilà. Ben merci Jay d'avoir été avec nous autres. Hey, merci à vous autres. Milter. Snapchat Zombie M. Je suis en feu, je colle des collants partout à Joliette et Laval ces temps-ci. Fait que le monde m'ajoute en prenant des photos de mes collants. Puis c'est comme un code QR, mais qui fonctionne. Sinon... Shots fired à notre propre logo. C'est ça. Il est temps qu'on change notre logo pour un logo Snapchat. sinon, je vais juste plugger mes jeux vidéo. Fait que... PlayStation Network puis Xbox Live Milter 187. Merci. Suivez-moi pas ailleurs. Eric, les gens qui voudraient essayer de se pogner contre toi et contre du Broverwatch. Ben ouais, Price, hashtag 1387 sur Battle.net. On fait du Overwatch un peu. Petite gang qui joue. Shout out à Nicolas Lachapelle, le rétro nouveau, que j'ai joué une couple de games. Puis Alex, puis toi, qu'on joue. J'ai pas eu une chance à Guillaume, peut-être une game. Non, on a joué team collectif un soir ensemble. C'est ça, ouais, c'est ça. Ben, anyways, je pense que, je vais le dire tout de suite, Overwatch, c'est le jeu qu'on a le plus joué ensemble à date, right? Right? Ouais, ouais, ouais, quand même. Deux games. Non, plus que deux games. Puis aussi, j'aimerais faire le shameless plug de, j'anime maintenant officiellement et DJ Arcade Montréal, les jeudis pour les tournois. Fait que venez à Arcade Montréal, je suis là, je suis en train de faire de l'animation. Il y a des très bonnes chances que le restant du collectif traîne à quelque part dans le bar. Ils sont souvent assis sur le bar parce que je peux les mettre sur la guest list, fait que c'est toujours le fun. Mais les gros tournois, on s'amuse bien avec ça, c'est streamé sur Twitch. C'est un rêve. Shout out à Dominique, Élie puis Martin qui m'ont donné cette position là. Dom qui a lancé le podcast Papa Cassette. Puis Dom qui fait son Papa Cassette. Ça a l'air que le Papa Cassette Ballet de Diffusion, il était déjà pris. Fait que c'est le Papa Cassette Podcast. Sais-tu quoi? Je suis à l'aise avec le terme anglophone. Moi aussi. J'aime le terme podcast. Mais si t'écoutes le show, t'es à Montréal, Arcade Montréal, les jeudis, ça va être. Tu vas le manquer, mais c'était jeudi qui s'en vient, jeudi qui est passé, c'était Super Mario Kart. Puis c'est toujours pacté. On a eu Smash Bros. La semaine passée. C'était fucking pacté. C'était du gros chaos. On a adoré ça. Meilleur barcade à Montréal. J'attends toujours le speedrun de Metroid au NES pour que je torche tout le monde. Ouais, ben ils font des changements à Arcade Montréal où ils vont commencer à avoir des différentes soirées avec des différents animateurs qui font leur propre show. Ils vont essayer de faire du roulement comme ça. Fait que les speedruns vont être comme ça. Ça va peut-être venir, Milton. Oh, merci Eric. Ouais. Guillaume. Fort simple, comme d'habitude, de guillaumehamel.com. Il cherche son BattleNet quand ID. T'es en train de chercher ton BattleNet ID live là. Tu connais pas le numéro de ton BattleNet ID encore? Non, mais comme je disais, j'ai pas joué à World of Warcraft. Bronze 11. Moi, c'est ça que je vois. Moi. Et j'ai trouvé, pour jouer à Overwatch, vous pouvez me rajouter, c'est Guimo, G-U-I-M-O, hashtag 1821. 13 victoires. Merci beaucoup, Guillaume. J'aime beaucoup Farah. Pour les gens qui voudraient jouer à Overwatch avec moi, ben envoyez-moi un message sur Twitter ou Facebook, parce que moi, je le connais pas, mon fucking BattleNet ID. Fait que c'est facebook.com André Paquette. Sinon, Uzumaki QC sur Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, Steam, PSN, Xbox Live, peu importe, Uzumaki QC. Et pour les gens qui ont aimé la balado-diffusion de ce soir, nous sommes Geek Collectif le podcast, facebook.com/geekcollectiflepodcast, sinon @geekcollectif, ou si vous voulez, ben vous filez généreux, vous écoutez ça sur iTunes ou sur Google Play Music. On accepte les donations de 5 étoiles et plus, on accepte aussi les 4 étoiles et moins, mais tu sais, des fois est-ce qu'on va être sur Spotify? On est triste. Parce que j'ai remarqué Spotify, il y a un onglet podcast, puis je suis pas sûr comment ça marche ça encore. Écoute, moi non plus, donc pour l'instant, est-ce qu'on va être sur Spotify? On aimerait beaucoup être sur Spotify. On est sur Google Play oui, Podcast. Oui, on va l'être. Mais quand, on ne sait pas. Exactement, on vous fait des promesses de politiciens, donc on sera là. Mais en réalité, Guy Collectif fait le podcast, ça fait déjà 4 ans et 77 épisodes ce soir qu'on est avec vous. Ça nous fait un plaisir de faire ça. Podcast sur la culture populaire. On va être de retour dans 2 semaines avec un autre invité mystère qu'on va vous annoncer sous peu. Mais on vous invite, en quittant, à aller sur la page Facebook du Guy Collectif. Jérémy a été très généreux et il nous apporte 2 paires de billets oh oui. pour son show de la saga des étoiles qu'on va faire tirer. Moi, j'en peux plus, faut que j'ai pissé. Ça tombe bien. Donc, première question. Qu'est-ce que Jay a fait gagner à la fin de l'épisode? Pour gagner, combien de temps est-ce que Jérémy va pisser? En réalité, il va avoir 1 paire de billets qu'on va faire tirer sur la page Facebook avec une question différente. Donc, nice. Sur ce, on se laisse et de retour dans 2 semaines. Oh, c'est What Oak